Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de l'AFcast. L'AFcast, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast dédié aux cultures du jeu vidéo des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. J'espère que vous avez écouté le premier numéro. Et donc celui-ci va être consacré à Fortnite et notamment, est-ce que le succès de Fortnite va durer à moyen ou long terme ? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. Mais avant ça, comme la dernière fois, on va avoir différentes chroniques et je vais commencer par présenter les deux personnes qui vont nous accompagner aujourd'hui. On a d'abord Fabien. Salut Fabien. Salut. Donc voilà, je suis là et donc pour présenter un peu mon profil de joueur, bon, moi je suis joueur depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait presque 30 ans. Donc grand amoureux des jeux rétro, mais également récents. Et en général, j'aime bien les jeux solo. Je joue assez peu en multijoueur. Hein. Ou si j'en joue multijoueur, c'est vraiment de la coopération. Et en ce moment, je joue à Fallout 76, et oui, donc on en parlera tout à l'heure. Ok, voilà. Nickel. Et je suis aussi accompagné de Johan. Salut Johan. Salut, alors donc moi, mon fan de jeux vidéo depuis que je suis tout petit, et mon type de jeu, c'est plutôt type jeu de cartes Hearthstone et action type Dark Souls. D'accord. Voilà. Et comme la dernière fois, j'anime ce débat, moi c'est Alexis. Et je sais pas si je vais re-rentrer dans le détail, mais plutôt amateur jeu Nintendo, je joue pas mal en ligne, et aussi un petit peu sur mobile dernièrement. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux actualités. Alors, est-ce que certains ici nous ont préparé une petite actualité à décortiquer, à présenter et éventuellement à débattre ? Alors oui, moi je vais un petit peu revenir sur le phénomène Rockstar. Donc aujourd'hui, vraiment la thématique importante en fin d'année, parce qu'à la sortie de Red Dead Redemption 2, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont acheté, beaucoup de joueurs continuent à jouer. Et récemment là, avec le mode online qui vient de sortir. Donc finalement, voilà, c'est un jeu à ne pas rater, j'imagine, pour la fin d'année. Et moi je vais parler d'un autre jeu sous-jacent qui existe depuis 2009, en tout cas qui a été dont la marque a été déposée, donc ça s'appelle Agent, donc qui a été annoncé mais pas vraiment officiellement. Il n'y a jamais eu de vidéo, jamais eu vraiment de photos, de screenshots, etc. Mais c'est un titre qui devait, je dis bien devait, parce que finalement on a appris aujourd'hui, ben, quelques jours à peine, que la marque n'a pas été renouvelée par Rockstar. Donc c'est un peu dommage, sachant que quasiment toutes les productions Rockstar c'est des hits. Donc on pouvait s'attendre à un titre vraiment intéressant. Là, en l'occurrence, ça devait être un jeu d'espionnage qui se déroule pendant la guerre froide. Et donc, on avait un seul visuel. Bon, c'était pas une image du jeu, mais c'était un logo. Et un logo qui rappelait un peu le rendu d'un James Bond. On voyait un petit peu un pistolet, voilà. Façon GoldenEye. Façon GoldenEye, par exemple. Donc, finalement, ça intéressait un peu. Et sachant un peu le savoir-faire de Rockstar, en termes de scénario, en termes de réalisation, d'ambiance, on pouvait s'attendre à quelque chose d'intéressant. Et toi, c'est un jeu que t'attendais ou... Ah bah, forcément, moi j'aime bien les jeux Rockstar, tous tant qu'ils sont, ils sont bien à certains égards. Et finalement, cet Agent, moi je l'attendais, je voulais voir un peu ce qu'il pouvait donner. Sachant que moi, bon, j'en parlais déjà en 2009, ça a été renouvelé, la marque a été renouvelée au fil des années, je me suis dit, bon, allez, ils vont nous dire quelque chose quand même, ils vont nous présenter un petit trailer, un petit teaser, quelque chose pour nous mettre sous la dent. Et finalement, il n'y a jamais rien eu. Et à ton avis, pourquoi ? À mon avis, bah, c'est difficile à dire. Peut-être que le pitch n'a pas été suffisamment... Bah, le concept du jeu n'était pas suffisamment développé pour faire un gros jeu. Peut-être justement qu'ils sont partis sur une mauvaise base, quelque chose qui n'était pas jouable, quelque chose qui n'était pas étirable sur la durée de vie, sachant que Rockstar fait beaucoup de jeux en durée de vie importante. Peut-être qu'ils ont été limités par ça, ou peut-être, je pense pas à une question de budget, hein, parce que mon Rockstar et le budget, bon, je pense qu'ils ont pas de limitation particulière. Et est-ce que ce serait peut-être pas plutôt lié au fait que, moi, à mon avis, ce serait plutôt pour se concentrer sur leur licence phare, GTA, Red Dead? Parce qu'en fait, quand on remonte un petit peu au cours des dernières années sur les autres productions Rockstar, ce qu'ils ont produit d'autre rencontrait pas, peut-être pas forcément le même succès que des gros hits comme GTA et Red Dead. Et quand on voit le travail qu'il y a sur un Red Dead qui est déjà annoncé depuis très longtemps, un GTA qui, une fois qu'il sort, continue à avoir du succès pendant 5 ou 6 ans, Est-ce que c'est pas une manière justement de déjà préparer le prochain GTA ou tu vois là le Red Dead vient de sortir, est-ce qu'ils sont peut-être pas déjà sur Red Dead Redemption 3? Moi ça m'étonnerait que qu'assez peu en fait. Oui, c'est sûr. Surtout qu'on voit que le budget alloué à chaque épisode de GTA ou de Red Dead est plus important. Est plus important, donc ça nécessite plus de moyens, plus d'effectifs, plus de temps. Donc oui, c'est sûr qu'ils vont peut-être se baser sur deux licences à terme. Parce que là, je suis tombé sur un chiffre il y a assez peu de temps. GTA V se classe déjà dans les 5 jeux les plus vendus de tous les temps. Ah, c'est fou. Hein. Je crois qu'il est troisième ou un truc dans le genre. On doit avoir devant, c'est Tetris et en premier et en deuxième, je crois que c'est Minecraft. C'est plus de Mario Bros sur non. Le tout premier. Non, non, de mémoire, je crois que non. Il est peut-être cinquième. Okay. En gros, je sais que dans les quatre premiers, il y a Tetris, si je me trompe pas, qui est premier. À mon avis, ça prend en compte les ventes mobiles. C'est un jeu qui a très très bien marché aussi sur mobile. En deuxième, on a eu Minecraft qui, l'année dernière, alors que le jeu a 10 ans, se vendait encore à plusieurs milliers d'exemplaires par jour. Ouais. Je crois que le troisième, c'est GTA V, et ensuite, c'est Wii Sport, parce qu'il était vendu en bundle avec, ah oui, la, console. Avec la Wii. Mmh. Et quand on voit les chiffres qui arrivent à atteindre un GTA, est-ce que justement, ils préfèrent pas travailler sur des gros jeux phares comme ça, qui marquent chaque génération, et qui vont se vendre ensuite pendant 5 ou 6 ans? Parce que GTA, là, en 2017, était encore dans le classement des 10 jeux les plus vendus de l'année, alors que il date de 2012, si je me trompe 2013. Pas. 2013, enfin, c'est... ouais. Voilà, le jeu, il a 5 ans, et... Il y a encore des vidéos YouTube tous les jours sur GTA Online, etc. C'est aussi les bons jeux bac à sable, entre guillemets, où on peut faire énormément de choses, et en solo, et en multijoueur, qui finalement donnent un intérêt quasiment inépuisable. Ça pourrait être un sujet de débat pour plus tard dans le podcast. Effectivement. Sur tout ce qui est jeux bac à sable, etc. Oui. Parce qu'en fait, c'est du vocabulaire qu'on retrouve chez Minecraft qui cartonne encore, etc. Et est-ce que justement, ça fait pas partie des genres de jeux qui, aujourd'hui, rassemblent plus les joueurs? Ça dépend après. Un bac à sable bien fait et un bac à sable vide. C'est clair. C'est un peu dommage. T'avais peut-être d'autres choses à dire sur ce fameux agent. Moi, je dois t'avouer que j'en avais même pas entendu parler. Là, c'est un petit peu la découverte et pourtant, je suis un petit peu l'actualité du jeu vidéo, même pas mal. Ouais. Mais je suis passé complètement à côté. La raison est simple, c'est qu'il y a eu aucune vidéo, aucun visuel, si ce n'est un logo qui est très très simple, qui était très très simple. C'est pour ça, justement, que le jeu est passé un peu inaperçu. Donc toi, tu t'es hypé avec pas grand-chose. Je me suis hypé avec un grand R de Rockstar, et ça m'a suffi pour... voilà. Moi, je dois t'avouer que c'est... Rockstar, c'est pas forcément un éditeur qui me séduit plus que ça. Il y a peut-être Red Dead Redemption qui me tente pas mal. J'avais bien aimé le 1, là, le 2 me fait un peu de l'œil. Mais les autres licences, j'ai un peu de mal à accrocher. Bah... Pour partir sur des licences tierces, je pense notamment à une qui s'appelle Bully. Bully, il y a une rumeur d'un 2 depuis des années. Et si on se base Le premier avait marché, mais pas... Rien à voir avec du GTA ou du Red Dead. C'est plus un succès d'estime qu'un succès vraiment économique. Quoi. Oui. Puis bon, c'est vrai que les jeux Rockstar de cette époque-là, ils étaient surtout intéressants, enfin, ils intéressaient beaucoup les gens pour le côté révérencieux. Bully avec, voilà, la tête à la claque, à l'école. Ils avaient sorti un jeu qui s'appelait genre. Manhunt. Canemedit ou un truc dans le genre. Canis Canemedit. C'est Bully en fait. Ah, ok. C'est Bully. En fait, il s'appelait Canis Canemedit sur PS2. Ils l'ont réédité sur Xbox 360 et Wii. Sous le nom de Bully Scholarship Edition, donc une version. Ah ben, je savais même pas que c'était deux jeux différents. Voilà, je pensais que c'était deux jeux différents. C'est le même jeu, mais il a été agrémenté sur 360. D'accord. Après, Manhunt, ça, c'est une licence qui parle, mais c'est pas non plus des succès de vente incroyables. Mais Manhunt, il y en a même eu sur Wii, si je me trompe pas. Manhunt 2 sur Wii. Et PS2 et Wii, mais je crois qu'en France, il est même pas sorti. Il est sorti au Royaume-Uni. Alors je dois avoir une version importée. Oui, d'avoir un Peggy, le Peggy est britannique, en fait. Ok. Et effectivement, Manhunt, c'est typiquement un jeu qui a marqué pour le côté vraiment ultra-violence, etc., qui avait intéressé beaucoup de monde. De toute façon, on sait, moins avec Red Dead, mais qu'en gros, quand Rockstar sort un jeu, ça défraie un peu la chronique. On relance un petit peu sur tous les débats sur violence et jeux vidéo, etc. Ouais. Ok. C'est un peu la multinationale du jeu vidéo. Ouais, bah carrément, c'est aujourd'hui devenu un des plus gros éditeurs mondiaux. Ah oui. Après, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'ils sortent pas tellement de jeux, en fait. Et non. Ça, c'est un modèle économique qui est complètement différent de, d'Ubisoft, par exemple, qui va sortir un jeu tous les ans, qui va très bien marcher, alors que Rockstar va se concentrer pendant plusieurs années pour sortir un mastodonte qui va cartonner. Ils le savent d'avance. Ouais. Et d'ailleurs, ils se jouent même de ça au niveau de la communication, parce qu'on voit bien que, par exemple, pour l'actualité récente, ils ont sorti le online de Red Dead 2. Il y a eu très peu de communication. Ils ont juste dit, bon, ils ont mis un tweet, ça y est, le online est dispo, faites-vous plaisir, enjoy. C'est un peu ça. Et... je crois qu'il y a presque qu'eux qui peuvent se permettre de faire ça. Quoi. Voilà, en fait, ils peuvent hyper plein de gens, rien qu'avec une image. Et ça, ça date de l'époque de GTA 3, je dirais. Après la sortie de GTA 3. Ouais, ouais, probable, probable. Bah, l'explosion, ça a été San Andreas sur PS2. Oui. Ça, c'est vraiment phénomène, quoi. Et depuis, ça s'arrête pas, en fait. Non. Ok. Ben moi, j'ai aussi préparé une petite actu qui, à mon avis, n'est pas si anodine que ça. C'est l'arrivée de Steam en Chine, en fait. Alors, quand je dis ça, j'en ai déjà parlé avec une ou deux personnes et on m'a dit, mais de mémoire, je crois que Steam est accessible en Chine. Et en fait, jusque-là, Steam en Chine était en zone grise, c'est-à-dire que c'était ni quelque chose d'autorisé ni d'interdit. On pouvait y accéder, mais des fois, le gouvernement, hop, fermait l'accès. Donc, pendant 3 jours, on pouvait plus jouer à ces jeux. Là, ça a été officialisé à Shanghai. Donc, on a des représentants de Valve qui ont annoncé l'ouverture officielle de Steam en Chine. Donc, ils auront leur propre interface, comme nous, dans leur langue, etc. Mais ce qui est super intéressant, en fait, avec cette d'actualité, c'est que la Chine, on sait que c'est une population qui est absolument monumentale, quasi 1,5 milliard de personnes, et notamment à un public qui est quand même très friand de jeux vidéo. On sait que la Chine s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo. On l'a vu avec le rachat de ces Riot Games. Donc maintenant, en gros, League of Legends, c'est chinois, PUBG, c'est chinois. Bref, le marché, notamment côté e-sport, est très très important aujourd'hui en Chine. Et l'arrivée d'une plateforme aussi importante que Steam en Chine, c'est pas anodin. Faut savoir qu'aujourd'hui, Steam, ça compte 125 millions d'utilisateurs et on peut s'attendre à une explosion du nombre d'utilisateurs avec l'arrivée en Chine, notamment dû au fait que Steam, aujourd'hui, reste la plateforme principale pour les joueurs sur PC pour acheter du jeu vidéo. Là, sur les chiffres de 2017... c'est le CEL qui a annoncé que sur PC, 95% des achats de jeux se font en dématérialisé maintenant, donc on n'a plus que 5% de physique. Et on sait très bien que la plateforme privilégiée des joueurs reste Steam. Alors derrière, on a d'autres choses. Hein. On a GOG, on a des gens qui achètent aussi directement sur Humble Bundle, etc. Mais clairement, Steam explose tout. Et justement, je pense que cette arrivée va changer pas mal de choses dans le paysage du jeu vidéo. Et notamment, va nous permettre de rencontrer enfin des joueurs chinois sur les serveurs de jeux en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on jouait avec des Asiatiques, on était très souvent avec des Japonais, des Coréens. On sait que le jeu vidéo est très important en Chine et on va pouvoir un petit peu voir ce que donnent les joueurs chinois. Moi, c'était un petit peu l'actu que j'ai trouvé intéressante. Ça risque de rapporter gros à Steam. Ouais. Alors on sait que, voilà, comme je disais, ils étaient déjà présents, mais le fait d'officialiser la chose, ça risque d'un petit peu bouleverser le monde du jeu sur PC. Donc en fait, ils ont Valve à négocier avec le gouvernement chinois pour avoir ces droits. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu que c'était avec le gouvernement de Shanghai. Alors on sait que le pouvoir politique est plutôt basé à Pékin, mais aujourd'hui, Shanghai, c'est devenu la capitale économique de la Chine. C'est même en termes de population placé devant Pékin. Pékin, maintenant, c'est à peu près 22-23 millions d'habitants. Shanghai, c'est 24 millions. Et on sait que de plus en plus de décisions se prennent là-bas. Et visiblement, c'est une décision qui a été négociée et prise en commun avec le gouvernement à Shanghai. Après, on n'a pas plus d'informations que ça à ce propos. On ne sait pas si ça a été des négociations financières, parce qu'on sait que ça existe en Chine. On sait que par le passé, Google a passé des accords commerciaux, etc. Que ça se fait dans le monde des réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi le cas pour Steam? Je sais pas du tout. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'en Chine, les Chinois préfèrent développer leur propre propre plateforme et mettre en avant des services nationaux plutôt que des services étrangers. C'est le cas dans le domaine des réseaux sociaux, tout le monde utilise WeChat et voilà, Facebook n'est pas accessible. Et en fait, il y a ça qui reste étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas plutôt en avant une espèce de Steam qui serait purement chinois et développé par des développeurs chinois et qu'ils acceptent comme ça un service qui est étranger. Moi, ça me saute effectivement un petit peu à l'esprit, à voir ce que ça va donner, mais on peut s'interroger là-dessus. Et donc, ce qui a été décidé là, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être durable ou on est encore sur une potentielle zone grise ? En fait, dire durable avec la Chine, c'est toujours un petit peu compliqué. Le meilleur exemple, c'est Google. C'est qu'un jour, on nous annonce que y a un accord entre le gouvernement chinois et Google. Du coup, Google est accessible. Un an après, Google n'est plus accessible en Chine. Bref, c'est des pas en avant, des pas en arrière. Je pense que derrière, il y a pas mal d'histoires de gros sous, etc. Le jour où les Chinois auront une plateforme type Steam 100% chinoise, à mon avis, ça m'étonnerait pas que le gouvernement chinois fasse un pas en arrière à ce sujet-là. Mais il n'empêche que pour moi, ça reste quand même une bonne nouvelle. Quand on voit l'importance que prend la Chine aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est clair. On peut même s'interroger sur le fait que la Chine deviendrait peut-être dans les années à venir le centre du monde en termes de création de jeux vidéo. On sait que dans les années 80-90, on était plutôt au Japon. Aujourd'hui, ça s'est encore redéplacé, ça revient plutôt vers les États-Unis. Le fait que ça se déplace en Chine, pour moi, ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Avec autant de joueurs potentiels, des très très gros moyens, avec des entreprises qui sont énormes comme Tencent qui gère WeChat, etc. Et là, on l'a vu, les jeux qui cartonnent en ce moment, il y a quand même pas mal qui sont chinois. Quand on parle de League of Legends et PUBG, on parle pas de petits jeux indés, quoi. C'est, à mon avis, c'est à surveiller de près. Ça, c'est une première avancée, mais le marché chinois va être à observer de près, à mon avis, dans les années à venir. Voilà. Vous aviez peut-être... Non, pas de réaction à ce sujet. Déjà des petites questions. Est-ce que tu voulais nous parler d'une petite actu, Johan? Y a Hearthstone qui sort sa prochaine extension là, dans une semaine. Donc, mais j'ai très peu d'infos dessus. Je me suis pas vraiment intéressé plus que ça. Voilà. Parce que toi, Hearthstone, ça fait quelques années que tu y joues quand même. Bah ouais, depuis le lancement, à peu près. Donc ça doit faire 4 ans. Ok. Ça fait 4 ans que ça existe, Hearthstone, d'accord. Ouais, je pense. Parce que là, des extensions, il y en a à peu près 2-3 par an, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, à peu près. Du coup, ça commence à faire pas mal d'extensions. Est-ce que tu sens qu'il y a toujours un engouement qui est important pour Hearthstone ou Ça diminue, c'est sûr, mais ouais, ça reste assez fort. Sur Twitch, on peut voir que l'Arma TV garde environ 2500 spectateurs en moyenne chez les Français, et l'autre, Origine TV, garde 500 spectateurs, donc en tout, on a 3000 spectateurs en moyenne sur Hearthstone, qui est assez convenable. Ouais, carrément, parce que j'ai vu que sur les derniers gros événements orientés e-sport, etc., alors effectivement, souvent, c'est beaucoup Fortnite, mais il y a pas mal d'autres jeux, notamment League of Legends, il y a un petit peu de Dota, etc. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a un petit bout Hearthstone quelque part, et c'est un jeu qui arrive vraiment à perdurer. De toute manière, ça, c'est aussi une des forces de Blizzard. Blizzard, en fait, sur le PC, serait un petit peu une espèce de Rockstar, finalement, sur console. C'est des gros jeux marquants qui sont très attendus pour les joueurs et qui arrivent à perdurer sur le long durables, terme. Tout à fait. On a du Warcraft. Le dernier gros phénomène, ça a été Overwatch. Et oui. Overwatch et Hearthstone aussi a cartonné. Ils peaufinent leur jeu, ils les travaillent. Et le côté Rockstar avec la BlizzCon où on s'affiche sur une grande scène. Ouais, c'est un éditeur qui est assez étonnant. Blizzard qui est un petit peu aussi à part dans l'horizon. Il fait son événement déjà la BlizzCon. Donc ça veut déjà dire qu'il est un acteur suffisamment important pour faire son propre événement annuel. C'est pas rien. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que Blizzard, si au départ, il faisait beaucoup de jeux solo, aujourd'hui, ils s'accordent à aller vraiment que sur du multijoueur. Ah ouais, bah c'est même purement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on télécharge son launcher Blizzard voilà. sur son PC et on peut jouer à Hearthstone, Warcraft, Overwatch. Il y a pas Heroes of the Storm aussi. Heroes of the Storm. Du Diablo aussi. Qui a pas trop mal marché. Diablo. Bref, clairement, c'est leur cœur de cible aujourd'hui. Ah oui, c'est oui. Du jeu multijoueur. Où ils améliorent leur copie du jeu à chaque fois, avec des patchs, etc., des améliorations. On a vu même Diablo 3, qui a quelques années aujourd'hui, continue à s'agrémenter de contenu. Donc, ça montre aussi qu'ils veulent faire perdurer leur licence. Ouais, c'est une chose qui est assez rare. Et non faire des suites, donc stop. Ouais, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'un débat. Et voilà, ils planifient leur jeu sur 7-10 ans. Ouais, quasiment. Et il y en a même qui durent depuis plus longtemps que ça. Enfin, moi, World of Warcraft, ça reste... C'est 2005, il me semble. Ou 2004. Je pense que c'est pas plus vieux que ça. Ah, ça sera à vérifier, mais... J'ai l'impression que, limite, le jeu a toujours existé. Non, mais ça doit être ça, 2000. C'est un truc de dingue. Il enfin, y a des gars qui jouent à ça depuis 15 ans. Mmh. Oui. C'est... Depuis, ils ont eu des enfants. Ouais, qui jouent peut-être eux aussi. Qui jouent aussi. Ils font peut-être des repas de famille sur World of Warcraft. Ça fait des jeux qui relient les générations, c'est rigolo. Ah, mais c'est clair que Blizzard, c'est assez étonnant. Mais qui n'applique jamais le même modèle économique à tous ces jeux. Moi, par exemple, quand Overwatch avait été annoncé, je m'attendais à un jeu gratuit avec des achats in-game, un petit peu à la façon d'Hearthstone. Et finalement, on s'est retrouvé avec un jeu payant, avec des systèmes de lootbox, etc. à l'intérieur. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne sais pas si à l'avenir, c'est un modèle économique qui va continuer. Mais ça aussi, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Il fait mousser, le Alexis. Il fait mousser. Ouais, c'est clair. C'est pour vous donner déjà envie d'écouter les prochains numéros de la FCAST, tu vois. Le teaser. Est-ce qu'on passerait pas au coup de cœur et au coup de gueule? Si le cœur t'en dit. Qui veut commencer avec un coup de cœur ou un coup de gueule à présenter? Tu veux me laisser la parole? Alors, moi, je suis venu avec un dossier un petit peu costaud. Bon, ceux qui sont présents là autour de la table verront que j'ai mes notes, j'ai préparé pas mal de choses. Alors, je vais pas lire tout ce qui est là, mais ça va me servir de support. Le sujet que je voulais aborder, alors certains ont peut-être entendu parler, notamment avec pas mal de vidéos YouTube qui ont été faites à ce sujet, mais ça ne concerne pas que YouTube. C'est le fameux article 13 dont on entend parler un petit peu partout. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pourquoi on parlait là? Parce que nous, à mon avis, en tant que joueurs de jeux vidéo et consommateurs de formats qui parlent de jeux vidéo, typiquement de podcasts... de vidéos, de stream. Je sais que toi, par exemple, Johan, tu regardes pas mal Twitch, etc. Ce fameux article 13 risque de changer pas mal de choses. Alors déjà, je vais vous expliquer ce qu'est l'article 13. En gros, c'est un projet de législation de l'Union européenne qui concerne les droits d'auteur. L'idée, c'est que aujourd'hui, on utilise presque tous, du moins presque toutes les personnes qui diffusent du contenu sur Internet, utilisent des contenus concernés par des droits d'auteur et qui ne leur appartiennent pas forcément. Meilleur exemple, je fais un let's play d'un jeu vidéo sur ma chaîne YouTube, est-ce que j'ai les droits d'utiliser ces images? Et côté rémunération, comment ça se passe? Qui reçoit l'argent? Alors aujourd'hui, par exemple, dans le cas de YouTube, c'est un petit peu compliqué, ça va dépendre des éditeurs, etc. Là-dessus, YouTube est assez strict, c'est-à-dire que si l'éditeur a revendiqué les droits d'une œuvre, musicale, jeu, etc., hop, on a le Content ID, donc en gros c'est le robot de YouTube qui applique sa sentence irrévocable, la vidéo n'est plus monétisée, et la rémunération de la vidéo revient à YouTube et à l'ayant droit. C'est-à-dire que le créateur, aujourd'hui un créateur qui va faire une critique d'un film et qui pour illustrer son propos va utiliser 15, 30 secondes ou une minute de bande-annonce ou d'extrait d'un film, ne va pas gagner d'argent sur cette vidéo et la monétisation va être versée à l'ayant droit. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Et l'idée de cet article 13, c'est d'un petit peu rebalancer les choses et notamment plutôt côté ayant droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis ayant droit, et le responsable n'est pas la personne qui diffuse le contenu, mais la plateforme sur laquelle c'est diffusé. Donc en fait, ça change un petit peu tout. C'est-à-dire que jusque-là, si moi j'utilisais une musique de Rihanna dans une de mes vidéos, c'était de ma faute. Demain, ce sera la faute de YouTube. Alors vous doutez un petit peu dans quoi c'est délicat, parce que YouTube, ça représente des centaines de milliers d'heures de vidéos qui sont publiées chaque jour. On peut pas tout vérifier manuellement, main à la main. Sachant que ce sera de leur responsabilité, la seule solution pour YouTube, c'est d'empêcher la mise en ligne de contenu pour lesquels on n'a pas les droits. C'est-à-dire que demain, vous voudrez publier une vidéo avec une musique qui vous appartient pas, des images d'un jeu qui ne vous appartient pas, et sans avoir la possibilité de prouver que vous avez négocié un accord avec l'ayant droit, la vidéo ne pourra pas être mise en ligne. Clairement, tous les petits créateurs, et même les plus gros, hein, même des gros créateurs, dans le milieu du jeu vidéo, on peut parler des joueurs du grenier, etc. Dans le stream, toutes les grosses chaînes de stream qu'on connaît, Solary et autres, s'ils sont pas capables de prouver qu'ils ont les droits sur chaque élément qui est dans la vidéo, ils ne pourront pas la mettre en ligne. Clairement, en gros, on perd à peu près tout le contenu. Et oui. Et ça peut même aller loin, parce que, d'après ce que je lisais, ça concernait vraiment tout type de support. On parle de photos, d'illustrations, de logiciels, d'extraits de livres, d'images de films, de musique, de parodies, etc. Tout ça, c'est concerné. C'est-à-dire que vous avez votre décor, à l'arrière, vous mettez, je sais pas, une BD ou n'importe quoi. Si vous n'avez pas négocié les droits pour pouvoir afficher ça dans votre décor, paf, vous pouvez pas mettre la vidéo. En gros, il n'y a plus rien sur YouTube. Ouais, c'est extrêmement pervers hein, comme article. Hein. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte que les personnes qui prennent les décisions, là, n'ont aucune connaissance de l'environnement dans lequel on évolue. Alors là, on parle spécifiquement de YouTube parce que c'est devenu la plateforme vidéo en termes de jeux vidéo, mais ça va concerner en fait tous les supports de partage. On peut parler de YouTube, mais Facebook, c'est la même chose. Sur Facebook, on peut mettre des photos, des vidéos. Ça peut être Instagram, SoundCloud, comme ici. Là, ce podcast, on le diffuse sur SoundCloud. Alors, nous, les deux musiques qu'on utilise, on a le droit de les utiliser, mais imaginons que j'utilise 15 secondes d'une musique de Zelda ou autre, eh bien là, je peux être enquiquiné. Demain, je ne pourrai pas mettre ce podcast en ligne. Et là, ça commence à être dérangeant. Dailymotion est concerné, Snapchat, bref, toutes les plateformes de diffusion audio, vidéo et images sont concernées. Donc là, ça commence à devenir vraiment délicat. Est-ce que vous aviez entendu un petit peu parler de cet article ou pas ? Ah, moi, c'est tout récent, je me suis documenté à ce sujet, pas plus tard que ce matin. J'avais mis ces vidéos d'explication de côté le temps que je puisse écouter ça tranquillement. Et effectivement, ouais, c'est vraiment un article pervers dans cette loi. Mmh. Et je crois que j'ai même entendu que la personne qui dirige YouTube, incite les créateurs de contenu à en parler. Les créateurs de YouTube ont lancé un mouvement qui s'appelle Save Your Internet, je crois que ça s'appelle, et invitant tous les créateurs de contenu à faire des vidéos pour sensibiliser les gens, inviter la communauté à signer des pétitions, etc., pour peser. Parce que, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord, et chez YouTube aussi, c'est que il faut protéger les œuvres des ayants droit. C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi. Moi, demain, j'ai pas le droit de diffuser sur ma chaîne YouTube tous les épisodes de Olivier Tom ou je sais pas quoi. Mais par contre, là, clairement, c'est de l'abus. C'est-à-dire que plus possibilité de citer, de parodier, etc. Là, ça va un petit peu trop loin. Alors, après, dans les faits, pour le moment, c'est pas encore applicable. La réalité, c'est que pour le moment, c'est le Parlement européen qui a voté ça, mais la loi n'est pas encore applicable. Le texte, en gros, devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Donc, il y a encore possibilité d'apporter des modifications dessus. Et ensuite, les différents États membres de l'Union européenne auront jusqu'à 2 ans pour transposer cette directive d'un point de vue législatif. En gros, que ça devienne des lois applicables dans chaque pays. Donc, même si tout est voté, tout est finalisé d'ici la fin de l'année, chaque État aura jusqu'à 2 ans pour le mettre en application. Mais du coup, qui est concerné ? C'est tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas seulement localisé en France, la Belgique, pour le moment même l'Angleterre est concernée. Bref, tous les pays de l'Union européenne. Et en soi, même les créateurs qui sont en dehors de l'Union européenne. Je m'explique. Je suis un créateur américain, je mets en ligne ma vidéo, donc effectivement j'utilise des images copyrightées, etc. dans ma vidéo, elle est diffusée aux États-Unis, la vidéo est bloquée en Europe. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas accès à des contenus en dehors de notre territoire s'ils ne respectent pas les règles de ce territoire. Bref, en gros, YouTube a fait une vidéo qui est alors peut-être un petit peu exagérée, mais super intéressante. En gros, on voit des vidéos de défilé, c'est que des écrans noirs pour nous montrer que peu importe ce qu'on veut voir, on peut pas le voir. Et ils ont pris l'exemple de la vidéo la plus vue de tous les temps, c'est le clip de Despacito. Et en fait, dans le clip de Despacito, les gens ils portent des vêtements de certaines marques, etc. Ils ont peut-être pas négocié les droits pour pouvoir porter ces vêtements. Du coup, la vidéo est bloquée dans tous les pays de l'Union européenne. Bref, c'est un peu pervers. Et ce vers quoi on risque de tendre, c'est que les seuls qui vont pouvoir diffuser du contenu sur YouTube et sur les médias internet, c'est ceux qui aujourd'hui ont déjà des accords avec tous ces géants, c'est la télévision. Et en gros, on va se retrouver avec des plateformes qui sont censées diffuser du contenu amateur, enfin notamment, et sur lesquelles on va retrouver des replays de ce qu'on a à la télévision. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on sait que les gens qui sont sur YouTube, pour la plupart, sont des gens qui n'utilisent plus la télé. Ce serait faire un pas en arrière. Voilà, c'était un petit peu pour essayer de vous expliquer tout ça, parce que c'est pas toujours tout le temps clair quand c'est expliqué en vidéo, etc. Surtout que généralement, les gens en vidéo sont particulièrement concernés. Donc, ont tendance aussi des fois à un petit peu exagérer certaines choses ou amoindrir d'autres. Là, clairement, c'est le cadre légal, c'est comme ça que ça va se passer, à moins qu'il y ait modification, c'est encore possible, mais voilà, c'est une direction dans laquelle on pourrait éventuellement se diriger. Moi, pour tout vous avouer, ça m'inquiète un petit peu, on perdrait complètement, à mon avis, ce qu'est l'esprit d'Internet. Mm-hmm. C'est un petit peu comme quand on avait entendu parler du fait que on pourra bien concerner aussi, c'est les mêmes par exemple. Ah oui, même sur Twitter, on pourra plus utiliser les mêmes, oui. Parce que on n'a pas les droits sur telle image de telle série, donc utiliser un mème dans une conversation, ce sera plus possible. Même tout ce qui est gif animé, etc. Exactement, enfin, c'est quand même un peu gros, quoi. C'est museler complètement la créativité, en fait. Et tout simplement, c'est que ça fait partie de la culture d'Internet. C'est la culture, ouais. Ouais, ça m'étonnerait qu'on en arrive là. À voir. Effectivement, le fait que tout le monde se mobilise en ce moment, ça va peut-être changer quelque chose. Mais on sait que des fois, les décisions qui sont prises correspondent pas forcément aux réalités. C'était le cas il y a quelques années, et c'est encore en application, avec Adopi. Adopi est en parfait décalage avec les usages et ce que pense le grand public. Les gens se sont mobilisés contre Adopi, il n'empêche que Adopi existe encore. Eh bien là, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Voilà. Vous vouliez réagir ou peut-être parlez-vous de votre coup de cœur ou votre coup de gueule? Moi, le seul coup de cœur qui me vient à l'esprit, c'est le prochain Sekiro qui va sortir. Ok. Le prochain jeu de From Software. Ok. Qui en a sorti un là récemment. Un jeu un peu poème. Mm-hmm. Et donc là, Sekiro, ce sera pas du tout... un peu de poésie, mais une poésie un peu violente, avec un katana et un samouraï okay. qui saute à l'aide d'un grappin. Et voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Parce qu'il y a déjà eu des trailers qui sont sortis, qui t'ont un petit peu fait baver, on va dire. Sans doute plusieurs trailers, mais moi j'ai vu seulement celui de l'E3 et il m'avait bien plu. Là, je suis en train de regarder des images du jeu et ça me fait un peu penser à Nioh. J'ai juste l'impression aussi. Le jeu est très beau d'ailleurs. Mmh. Visuellement très réussi. Ça a l'air sympathique. Ça se passe au Japon féodal, non? C'est ça. Ouais. Il y aura un peu de Nioh sans doute, ouais. Mais il y aura le côté grappin, donc un peu plus d'envolée dans les airs. Ok. À la Tenchu. Oui, exactement. Je crois que Tenchu est de From Software d'ailleurs. Et oui. Ouais. Donc beaucoup attendaient un nouveau Tenchu. Oui. Ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement pour moi, mais. Ah ouais, t'aurais bien aimé. J'aime bien la série, mais bon, voilà. Mais du coup, quand tu me parlais, c'est Sekiro tout à l'heure, ça m'évoquait rien, mais là, en regardant les images, ça me dit quelque chose. Et, oui. Et le fait qu'on fasse le parallèle avec Tenchu aussi. Voilà. Justement, je me souviens que certains disaient, ah ben finalement, on l'a peut-être notre successeur à Tenchu. Parce que le dernier Tenchu, c'était sur PS2, non ? Oui, c'était Tenchu Fatal Shadows. Ouais, ça, crois. Ça commence un si, petit peu. Si, il y a dû en avoir un sur Wii, il y en avait un sur DS aussi. Ah ouais. Jamais joué. Cela dit, ils existent. D'accord. Et en fait, mais je pense même, pour aller plus loin sur le jeu que tu attends, il y a beaucoup de gens qui attendaient à la fois un nouveau Tenchu, d'accord, mais certains attendaient aussi une suite à Onimusha. Bon, c'est pas le même développeur. Et là, j'avais la tête de Jean Reno. Jean Reno, sa splendeur, voilà. Et avec son espèce de sable qui faisait en mode, ouais. En mode lasso. Et non, en fait, bon, Onimusha, c'est un jeu Capcom, donc c'est pas du tout le même développeur. Mais cela dit, je pense qu'il y a aussi une influence ouais, dans l'esprit samouraï. Même si là, dans pour le jeu dont tu parles, c'est surtout ninja, plus ninja ouais. Que samouraï, même s'il ouais. A un sabre. Ouais. Donc je pense que ça répond aussi à différentes attentes que From Software a su bien pointer du doigt et se baser là-dessus pour ce jeu AAA qui a l'air plutôt prometteur. Moi j'ai l'impression que depuis un peu plus d'un an là, les Japonais sont de retour sur le marché du jeu vidéo. Ils s'étaient un petit peu effacés pendant quelques années et là ils reviennent très fort. Enfin bon, on va mettre de côté Nintendo qui est jamais parti en quelque sorte, mais il n'empêche que l'année dernière clairement ça a été l'éditeur de l'année avec Mario Odyssey et le Zelda quoi qui ont tout explosé. Mais on a quand même eu pas mal de gros jeux japonais qui ont cartonné. Bah on parlait de Nioh, il y a eu Nier Automata, il y a eu Persona. Enfin clairement le jeu japonais, j'ai l'impression, est en train de revenir sur le devant de la scène. Oui. Ils sont en train de se réinstaller. Là où les grosses licences américaines qui cartonnent depuis quelques années aujourd'hui sont en train d'un petit peu perdre, moi c'est le sentiment que j'ai, mais perdre en aura, etc. Même si le dernier Call of Duty semble très bien marcher, etc. J'ai pas l'impression que ce soit le phénomène des Call of Duty d'il y a quelques années. Battlefield, la même chose, etc. Assassin's Creed, j'ai l'impression que c'est aussi petit à petit en train de s'essouffler, même si ça marche bien, mais ça a pu l'aura que ça a eu. Et de leur côté, les Japonais, là, en ce moment, sont en train de remonter petit à petit. Et de mon côté, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je suis plutôt jeu japonais que jeu occidentaux. Mais... Après, ce que tu cites en jeu américain, c'est beaucoup des suites de suites de suites. Oui. Et les gens commencent à s'essouffler, je pense, de certains concepts. Enfin, quand on parle de... Ouais. Alors, Nier Automata, c'est la suite. C'est une suite de Nier. Voilà. Génial, Nier Automata. Persona 5, c'est aussi une suite. Zelda Breath of the Wild, une suite. Mario Odyssey aussi. Alors, c'est pas une suite chronologique, mais ça reste des licences qui reviennent. Mais c'est surtout que... Enfin, tout ce qu'on vient de citer, là, c'est des jeux qui sont excellents, quoi. Ah oui, oui. Excellents. C'est qu'en plus d'être des succès... en vente, c'est des succès critiques, c'est des succès d'estime, etc. Enfin, tout ça, c'est des jeux... Moi, quand je pense de 2017, l'année dernière, je pense quasi qu'il y a des jeux japonais. Enfin, j'ai pas énormément d'autres jeux en tête que tous ces grands noms que j'ai cités. Enfin, je sais pas si toi, là, tu penses à autre chose, mais... Il y a eu l'Assassin's Creed Odyssey, mais voilà, enfin... Bah, Assassin's Creed, il y a eu beaucoup d'épisodes. Alors, moi, par exemple, j'ai fait tous les premiers, jusqu'au 4. Et maintenant, c'est l'overdose, quoi. Et en fait, difficilement, je peux m'y remettre. J'ai abandonné avec le Unity, et depuis, j'y suis pas revenu, parce que... Bah, on s'est arrêté au même moment. Ah bon, voilà. Ouais. On se comprend. Mais en soi, quand je vois les images des nouveaux, je me dis, tiens, j'aimerais bien m'y balader et tout. Mais c'est juste ça, en fait. Mais j'ai envie un peu d'explorer les environnements, mais j'ai pas envie de faire le jeu. C'est et Call of Duty, c'est pareil, tu vois, il y a une époque où j'aimais bien Call of Duty, mais maintenant, enfin, quand je vois les trucs, je ferais bien une ou deux parties, mais pas plus, quoi. Enfin, c'est du jeu popcorn, comme on dit. Ouais, en quelque sorte. Après, Assassin's Creed, c'est spécifique. Moi, ce qui m'attire aujourd'hui dans les Assassin's Creed, par exemple le Origin, si je devais le faire, ce serait juste pour me balader dans l'Égypte antique, mais toutes les missions et les trucs dans le genre, enfin, j'en peux plus. Ouais, pareil. Quoi. Et j'ai l'impression qu'on se tape tout le temps les mêmes jeux. Far Cry, c'est exactement la même chose. Tu joues à Far Cry et Assassin's Creed, tu changes le point de vue et les mécaniques de combat. Il y en a un où ça va être en FPS et l'autre en TPS, un avec des armes et l'autre avec, enfin, un avec des armes à feu et l'autre avec des couteaux. C'est la même chose. Effectivement. T'as les mêmes points à les faire, t'as quasi les mêmes missions. Je me souviens, je crois que j'avais fait Far Cry 4 de mémoire. Au début de Far Cry 4, il faut aller dépecer des animaux exactement comme dans Assassin's Creed 3. Mm-hmm. Aller chasser des animaux, les dépecer, récupérer les fourrures. Enfin, c'est les mêmes jeux, en fait. Enfin, c'est les mêmes mécaniques. Et à force, je pense que les gens sont un petit peu gavés. Et les consommateurs, mais je pense que les développeurs aussi. Je pense qu'ils doivent avoir un rythme soutenu à maintenir. Mm. Et du coup, ils se disent, bon, j'ai plus de créativité parce que il y a un timing à définir, à tenir, pour sortir le jeu pour une date précise, fin d'année par exemple. Ouais, non, mais. Et quand tu vois que dans le même temps, t'as les gars qui te sortent Zelda Breath of the Wild qui, clairement, une révolution dans le monde des open world. C'est-à-dire que le jeu est complètement fou. Alors, déjà, ils ont réinventé Zelda. T'as pas l'impression de jouer un Zelda auquel t'as joué avant. Oui. Ou limite. Si je devais donner un Zelda qui se rapproche de celui-ci, en fait, c'est le tout premier. Ah oui, bah en oui. En mode un peu monde ouvert, tu fais oui. ça dans le sens que tu veux, etc. Qui fourmille de détails, c'est-à-dire que chaque élément que tu vas voir a son importance. Un truc tout bête, ta flèche, elle va être enflammée, t'es dans un environnement glacé, bah tu perds pas de points de vie, tu l'éteins, tu perds des points de vie. C'est des tout petits détails, mais qui font complètement la différence. Et c'est la première fois que je joue à un jeu où peu importe ce que tu vois, eh ben, tu peux y aller. Tu vois une montagne, tu peux monter dessus. Tu vois une maison, tu peux y aller. Tout. Tant que tu vois quelque chose, tu peux y accéder. C'est fini, ces jeux où tu te cognes contre un mur invisible, ou qu'on te crée des fausses délimitations avec des rondins de bois, etc. Tout ce que tu vois, tu peux y aller. Au loin, tu vois une montagne, eh ben, tu peux l'escalader et monter en haut. Et ça, c'est incroyable. C'est tout l'intérêt d'un open world aujourd'hui, en fait. Eh oui, mais... Tu joues à Zelda Breath of the Wild et tu reposes la main sur Skyrim, je peux te dire que Skyrim a pris un sacré coup de vieux. Hein. Mm. Et un Skyrim, comme on nous a sorti il y a quelques années, demain ce sera plus possible parce que les gens auront joué à Zelda et nous aura montré que, voilà, aujourd'hui on peut faire ça. Des nouveaux standards. C'est... L'année dernière, on a eu quelques jeux quand même qui ont pas mal chamboulé beaucoup de choses. Le Mario Odyssey aussi était ultra ambitieux. Moi, j'ai pas fait le Nier Automata, mais tous les retours que j'ai eus étaient très très positifs. On m'a dit que, voilà, en termes de narration, c'était ultra intéressant. Il y avait plein de fins possibles et tout. Je crois que tu l'as fait, toi, Yohan. Ouais. Bah moi aussi, du coup, on a été jusqu'au deux. Jusqu'au bout. Et vous avez kiffé ? Ouais. Ouais, c'est très particulier comme jeu. On est pas mal chamboulé parce que on a des, on va dire, on a un fil conducteur qu'on connaît dans la plupart des jeux, qui se passe d'un point A à un point B. T'as des points entre les deux. Et là, en soi, des fois, j'étais surpris de voir un générique de fin en me disant, bon, c'est quoi cette fin ? Quand on redémarre, on se dit, bon, on fait la même chose, je comprends pas trop où on y va. Et en définitive, au bout d'un certain nombre d'heures, en deuxième partie, on se dit, ah d'accord, là, on a autre chose. Et on refinit le jeu. Voilà, on refinit le jeu, on a des petites scènes différentes, et après, tu le fais encore une troisième fois. Ah, mais voilà. De toute façon, le mot que je retiens là de ce que tu m'as dit, c'est le mot chamboulé, tu vois. Non mais c'est important, c'est que t'as joué à ce jeu, t'as ressenti quelque chose. Ah oui, oui. Il a provoqué quelque chose chez toi. Et moi c'est le problème des... Bon là on sort complètement de du coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Non mais c'est super intéressant, c'est que quand je joue à Assassin's Creed, je ressens plus rien en fait. Il y a plus rien qui vibre. J'ai pas l'impression d'être là. Waouh, trop bien. Je suis pas chamboulé comme tu dis. Voilà, j'ai l'impression qu'on me resserre la même soupe avec le personnage qui est un peu plus baraque ou un peu plus fin. La soupe tiède, quoi. Un peu plus dark, dans un environnement un peu plus ensoleillé, mais bon, c'est le même jeu. C'est... Je pense que tu avais peut-être quelque chose à rajouter. Je sais même plus d'où on était parti. Bah, moi, j'aimerais bien y aller dans les spoilers, quoi, mais je sais pas si on peut spoiler. Ouais, non, on va éviter. Ah, mais oui, on était parti de ton coup de cœur sur la sortie prochaine du jeu. De Sekiro, ouais. Et toi, Fabien, t'avais peut-être un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors, ça aurait pu être un coup de cœur. Ouais. Mais il s'avère que c'était un énorme coup de gueule et une déception profonde. Ouais. J'en parlais en début d'émission de Fallout 76. Un jeu bon que pour la plupart des auditeurs, je pense qu'ils suivent un peu l'information jeux vidéo, vont être d'accord que bon, là, on parle beaucoup de ce Fallout, qui est un mauvais jeu, mal noté, mal fichu, mal fini, etc. Et tu vas nous dire que je suis en partie d'accord. Non, mais en fait, j'ai eu des avis aussi différents d'autres joueurs qui m'ont dit on aime bien pour ces raisons. Bah, il s'avère que bon, moi, je partage pas forcément toujours l'idée. Parce que moi, pour revenir un peu à la base, j'ai commencé avec le Fallout 2. Donc j'ai fait le 1 ensuite. Bon, j'ai fait tous les épisodes, sauf celui sur PS2. Et donc je suis un gros fan de l'univers post-apocalyptique, de la licence, le côté très scénarisé, le côté du fait que Bethesda sait très bien raconter une histoire, ne serait-ce que par des décors, ou par des écrits. On peut trouver une feuille sur un bureau, on peut trouver un terminal informatique, on va voir des journaux de bord, etc., qui sont super passionnants à suivre, et qui vont faire vraiment l'univers. On va se sentir vraiment enveloppé dans un univers, on est dedans. Dans ce Fallout 76, ça existe, il y a un peu de ça, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vide autour, beaucoup trop de vide. Le jeu ayant pris vraiment un penchant multijoueur, ce qui est louable, hein, c'est une prise de risque de Bethesda. Et après, c'est ce qui avait été annoncé en quelque sorte, c'est que le prochain Fallout devait être une expérience plutôt multi, etc. Voilà. Quoi. Bah, pour suivre un peu la continuité de la série Elder Scrolls, avec la version online qui sortit il y a quelques années, qui s'en sort bien, mais au début, il y a eu beaucoup de détracteurs aussi. Parce que bon, Elder Scrolls, c'est pareil, c'est du solo, et il y a beaucoup de gens qui disent c'est du solo, ça peut pas être autre chose. Ils ont fait un penchant multijoueur qui a ses défauts, mais il s'est amélioré au fil des années. Là, pour Fallout, pour l'instant, c'est pas fou. Moi, je l'ai commencé il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de mal à y jouer. Non pas par le gameplay, même si on peut en reparler, c'est le fait que voilà, j'insère ma galette sur ma PS4, patch 50 Go, j'ai pas de la fibre, comment je fais? Une journée et demie plus tard, bonjour, alors chance de jeu. Et là, j'ai pu y jouer. Le jour suivant, ou quelques jours après, je sais plus très bien, un autre patch est sorti, je l'installe, je joue un peu le soir, le lendemain, je voulais rejouer, maintenance des serveurs entre 20h et 23h quasiment. Donc, je dis, bon, je joue quand, moi, à ce jeu, finalement, hein, qui, en soi, est comme la plupart des jeux Bethesda, surtout en lancement, buggé. On peut bugger des quêtes, on peut se bugger soi-même dans le décor, voilà, donc c'est un peu la folie. Mais après, bon, ça n'empêche pas qu'il y a des côtés intéressants. Il faut aussi apprécier le fait que c'est un jeu multijoueur, même si on peut jouer en solo. Le studio a bien précisé qu'on peut jouer en solo, mais il faut une connexion obligatoire à Internet. Donc, sur PS4, typiquement, moi, j'avais pas d'abonnement PS Plus, parce que je joue très peu en multijoueur. J'ai dû me prendre un abonnement pour pouvoir lancer le jeu. Bon, c'est annoncé sur la boîte, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise quand on lit bien l'information au départ. Mais du coup, voilà, on croise des gens. Alors, c'est un jeu où on va découvrir un univers, sachant que la map, elle est intéressante, la carte est intéressante, elle est grande, plus grande que dans Fallout 4, à mon sens. C'est assez varié. Mais on va croiser, voilà, Jean-Kévin, bonjour, qui se balade et qui saute partout, et qui va prendre ton établi où tu vas construire ton arme. On peut pas être à deux sur le même établi, donc on doit attendre notre tour. Ce qui fait que je suis retrouvé devant des situations assez cocasses dans une ville où, dans le début du jeu, où on peut, c'est un peu là où tout le monde se rencontre. Eh bien, il y avait une file d'attente pour aller à l'établi pour fabriquer son arme, réparer son truc. Ridicule, ridicule. Alors du coup, bon, bah les gens ils attendent et puis voilà, ils font les imbéciles. Ça a l'air passionnant comme jeu. Ah ouais, ouais, non, mais c'est voilà. Après, c'est instancié en serveur, ce qui fait qu'on est, je crois que c'est 24 joueurs par serveur, donc c'est pas non plus la folie à la World of Warcraft où on voit des tonnes de gens. C'est bon. Après, j'ai testé les interactions avec les autres joueurs. C'est pas mal, j'ai fait équipe avec 2-3 personnes. Globalement, il y a une bonne, on va dire, une bonne mentalité des joueurs, okay, les uns envers les autres. Mais ça, c'est important. Envoyer des bombes nucléaires, c'est ça, hein, le principe un peu. Ah non, non, enfin, disons qu'après, on peut avoir des lance-missiles, des bombes, des petites bombes champignons là, à balancer sur les ennemis, mais on se fait pas ça entre nous parce que les développeurs, ils ont construit le jeu de manière à ce que le PVP existe, mais il n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui ne vous revienne pas, un autre joueur, on lui tire dessus, elle va avoir des dégâts, mais c'est entre, je crois que c'est entre 5 et 15% des dégâts normaux qui lui sont infligés. Ah, à savoir une piqûre de guêpe, quoi. Parce que je pensais que c'était ça, un peu le principe... De ce jeu ? Ouais. Non, non, c'est vraiment de la coopération. Et là, en l'occurrence, si on attaque un autre personnage, un autre joueur... Il va avoir un petit peu de dégâts, il va être informé que tu vois qu'il s'est fait attaquer, et s'il réplique, à ce moment-là, on rentre en mode PVP, où les dégâts sont normaux. D'accord. Et, la personne qui a attaqué, qui a tué ce personnage-là, du coup, va être marquée sur la carte aux autres joueurs, en rouge, en disant que c'est une personne qui attaque les autres joueurs. Et il y a une prime sur ta tête. D'accord. Ce qui fait que tout le monde va commencer à t'attaquer. Et globalement, ce que j'ai vu dans plusieurs dizaines d'heures de jeu, c'est qu'il y a très peu de joueurs. J'en ai vu un seul qui m'a attaqué ou qui a attaqué un autre joueur. Je l'ai vu marquer en rouge. C'est très rare. Je trouve que c'est un élément intéressant, malgré tout, parce que je pense pas que le PVP dans l'univers de Fallout a un intérêt, sachant que le gameplay est déjà suffisamment lourd comme ça. Voilà. Donc voilà, je peux encore aller plus loin sur le sujet, mais voilà, globalement, moi, c'est vraiment une assez grosse déception. Après, c'est pas un jeu non plus qui a été énormément mis en avant par l'éditeur, je trouve, pas à la manière d'un Fallout... Traditionnel. Mm-hmm. D'habitude, c'est la sortie d'un Fallout, c'est incroyable. Moi, c'est... J'exagère un peu, mais c'est presque le jour de la sortie du jeu que j'ai fait « Ah, tiens, bah, c'est bon, il vient de sortir le nouveau Fallout, tu vois. » Ça donne presque l'impression que les mecs savaient qu'ils allaient sortir un gros pétard mouillé, tu vois, et ils ont fait « Bon, on va peut-être pas trop en parler. On va se faire démouiller, les gars. » Oui, bah en même temps, ça s'est vu, je pense, dès l'annonce à l'E3. Ouais, je me souviens. Ça a fait un effet... Ah, mais quand ils ont annoncé Fallout multijoueur, j'ai vu tout le monde gueuler sur Internet, genre « Non, mais Fallout, c'est pas du jeu multi. Qu'est-ce que vous nous faites chier? Sortez un vrai Fallout 5 ou un truc. » En sachant que le 4 est sorti il y a pas très longtemps. Non. Parce que normalement, il y a quand même un peu d'écart entre deux Fallout. Ah oui. Bah le 3, c'était en 2009. Mm. Le 4, c'était en quoi, 2015? 2016? Je sais plus très bien. Donc il y a quand même beaucoup d'années d'écart. Et là, deux ans plus tard, bonjour, Fallout 76. Moi, la question que je me pose pour des jeux comme ça, c'est... J'ai l'impression que les gars savent pas s'arrêter au bon moment, tu vois. Ouais, il y en a eu des Fallout. Non, mais il y a des licences qui durent depuis longtemps, mais on voit que les créateurs ont vraiment des choses à raconter, etc. Enfin, ah oui. Là, c'est pas forcément le cas. Pourquoi ils font pas comme BioShock? BioShock, c'est bon. Ils ont sorti leur jeu. C'est tous des immenses succès. Critiques, ventes. Bah, Fallout, c'était pas Bethesda au début, en fait. C'était Activision. Alors, Interplay. Et ouais, c'est Interplay. D'ailleurs, je me demande. Si le développeur, c'était pas Black Isle. Au tout début. Non, c'était, je confonds peut-être avec. Si, je crois que t'as raison. C'est possible. Mmh. Mais bon, c'était de la vue isométrique, c'était du déplacement quasiment point and click, c'était très lourd. Bon, c'était autre chose. Ouais, j'aimais bien, ouais. C'est qu'avec Fallout 3 qu'ils ont passé en mode vue FPS, avec un système de visée, avec une pause active, qui rappelait un tout petit peu les anciens Fallout, mais. Parce que déjà, le Fallout 4, avait pas mal déçu les joueurs. Ouais. Parce que le Fallout 4, en fait, il y avait... Sans que ce soit un mauvais jeu, mais, oui. Les gens étaient pas, ravis comme ils l'attendaient, quoi. Ben oui, parce que le 4, il allait davantage vers le côté action pure, FPS, même si bon, on pouvait toujours la jouer en mode pause semi-active. C'était un jeu qui vraiment donnait la part belle à l'action. Et là, avec le dernier en date, c'est typiquement l'action. C'est, en fait, c'est devenu un jeu de survie, action-survie. On est très loin du côté RPG, entre guillemets. Et moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu joueras au prochain Fallout qui sortira peut-être un jour? Ah, c'est sûr. Sûr? Sûr. J'aime trop l'univers. T'es comme Matt, toi, à fond, un Fallout. Ouais. Malgré la déception, tu continues, quoi. En fait, je suis profondément intéressé par l'univers autour du jeu et le côté steampunk, le côté passé futur mélangé, parce qu'on trouve des éléments du passé dans un futur, voilà. Et moi, je suis quand même curieux parce que je sais que Bethesda sait faire des jeux. Les faire bien, c'est mieux, mais les faire, c'est déjà une chose. Mais dans ce cas-là, continue à jouer Assassin's Creed, tu vois. Non, mais pour moi, c'est vraiment typiquement mon point de vue par rapport à Fallout, parce que j'aime beaucoup ces licences. Et même s'ils les font et qu'ils les font mal, je veux tester. Ok. Je vais être déçu, mais je serais toujours curieux de voir ce qu'ils peuvent faire, en fait. Voilà. Bon. Ok. Bon, en tout cas, on a entendu ton coup de gueule sur le nouveau Fallout. On espère que les prochaines mises à jour corrigeront pas mal de points qui te... Oh, dérangent. Je pense que je jouerai pas très longtemps à ce jeu, malheureusement. Ah, ça, c'est parce que t'as pas envie de t'abonner au PS Plus. Bon, je vous propose qu'on passe au débat. Alors, le débat du jour concerne Fortnite. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément joueur de Fortnite, mais je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite? Oui. Oui, monsieur. Ah ouais, t'as joué? Ah oui, j'ai joué. Ah, je pensais pas que... si, j'ai joué. Après, c'est intéressant parce que ici, en fait, on a donc trois personnes qui ont joué, mais peut-être pas autant les unes que les autres. Moi, j'y joue encore quasi quotidiennement depuis un an maintenant. Je me souviens, il y a un moment où tu jouais un petit peu quand ouais, même. Ouais, on a même fait deux, ouais, trois parties ensemble. On a fait des parties ensemble et toi, Fabien... J'ai joué vraiment pour tester contre des gens que je connaissais pas, hein, au hasard. Ok. Ouais. Mais c'était plus pour voir ce que c'était que vraiment par envie d'y jouer, non? Si, j'étais curieux. Je voulais voir un peu quel était le phénomène. Le mesurer à mon niveau, savoir si c'était la cible. Et c'est à quel moment, parce que ça m'intéresse, est-ce que c'était là en début d'année 2018 ou peut-être cet été? Non, c'était fin d'hiver dernier, si je me trompe pas. Ah ouais, donc genre décembre 2017. Non, c'était vers. Ah oui, mars. À peu près. C'était février, mars. Ok. Février, il me semble. Ah ouais, au moment où on pensait qu'on était, c'est assez drôle parce que. Quand on discute et qu'on lit un petit peu sur Internet, c'est le moment où on pensait qu'on avait atteint le summum sur Fortnite. Et finalement, les chiffres continuent d'augmenter, mais c'est intéressant. L'idée de ce débat, c'est de se poser la question, est-ce que le phénomène Fortnite va durer? Je pense que c'est, au sein même de la communauté des joueurs, c'est un jeu qui cristallise pas mal de choses. C'est beaucoup de gens qui adorent, beaucoup de gens qui détestent. Et aussi beaucoup qui comprennent pas ce succès. Ça va peut-être être l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi Fortnite cartonne. Et la question qui nous intéresse, c'est est-ce que ça va durer? Parce que des phénomènes comme ça, on en a vu. Il y a 10 ans, on a eu Minecraft, par exemple. Et clairement, ça a duré. C'est encore un phénomène aujourd'hui. Dans le monde des jeux en ligne, League of Legends, enfin voilà, il y en a eu pas mal. On parlait tout à l'heure de World of Warcraft. C'est des jeux qui arrivent à s'inscrire dans le temps. La question est de se poser aujourd'hui, est-ce que Fortnite va s'inscrire dans le temps, et éventuellement, si oui, combien de temps? Est-ce que vous auriez déjà une première réponse à apporter à ça ou pas? Qu'on sache déjà comment chacun se positionne sur la question. On en a déjà parlé un petit peu tous les deux, mais je pense qu'aucun jeu n'est éternel, donc... Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, à un moment il aurait une date de péremption, le Fortnite. Peut-être juste avant ça, rappeler que c'est un jeu qui aujourd'hui a un petit peu plus d'un an, la sortie officielle c'est septembre 2017. Après, clairement, dans l'histoire de Fortnite, on retient à partir de novembre vraiment l'arrivée du phénomène et l'explosion de début 2018 surtout. Toi, qu'est-ce que tu en penses Bah, déjà, je peux en parler un petit peu des origines, parce que je me souviens, je faisais des actualités. Eh ben, vas-y, parle-nous des origines de Fortnite. Je parle des trucs de vieux. Alors déjà, tu vas commencer par nous dire qu'à la base, Fortnite n'était pas un Battle Royale. Exactement, il a été annoncé en 2011, si je ne me trompe pas, à un Video Game Awards, donc un événement qui se déroule tous les ans. Et donc, c'était un jeu de survie... Avec des zombies. Avec des zombies. En fait, c'était un Tower Defense, globalement. Alors, tu sais que ce jeu existe, hein? Ah bon? Oui. C'est une partie de Fortnite d'aujourd'hui? Ouais, en fait, okay. Quand tu lances Fortnite, t'as possibilité entre deux modes. T'as le mode Sauver le Monde, qui est ce jeu-là, et le mode Battle Royale, qui lui a été lancé après pour surfer sur la mode des PUBG oui. Et compagnie. Mm-hmm. Mais le jeu dont tu parles existe, hein, et il y a d'ailleurs pas mal de joueurs du mode Sauver le Monde. Et donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que la journée, c'était ça le pitch initial, la journée... Tu construis ton abri, ta base, et la nuit, il y a des assauts de zombies. Il y a des vagues de zombies. Ah, donc ils ont gardé ce concept. Et t'as des armes, tu peux même, si je me trompe pas, avoir des armes qu'il n'y a pas dans le mode Battle Royale, etc. Ça, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais ça m'attire plus, finalement. Et je crois qu'il y a même la possibilité, alors moi, je l'ai pas testé, mais je sais que autour de moi, pas mal, ils jouent, je crois qu'il y a la possibilité de faire des missions à plusieurs. Ouais, il y a de la coopération dans ce mode-là. Intéressant. Ouais. Mais il est payant. Oui. Ah oui, parce que la version gratuite, c'est fameux que le Battle Royale. C'est vrai qu'il y a plein de joueurs là-dessus. Alors après, là où ils ont été trop trop malins, c'est que quand tu joues au mode normal, donc sauver le monde, tu gagnes de l'argent virtuel qui s'appelle des V-Bucks, qui te permettent d'acheter des trucs dans le mode Battle Royale. Donc en fait, il y a plein de gens qui achètent le jeu classique, qui font leur mission pour gagner de la monnaie virtuelle, des V-Bucks pour se payer des skins, etc. dans le mode Battle Royale. Ah, ok. Là-dessus, ils ont été forts. Et il y a une super vidéo sur YouTube d'un mec qui s'appelle Doc Gero, qui a fait une vidéo qui explique en quoi les gars de chez Epic Games ont été trop forts et ont trouvé un modèle économique ultra rentable pour leur Battle Royale. C'est absolument fascinant. Il explique qu'en fait, on nous fait voir tout ce qu'on rate quand on ne paye pas, etc., que ça nous donne envie d'acheter. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ok. Et est-ce que tu aurais tendance à penser que Fortnite, alors là, par simplicité, quand on va dire Fortnite, on va parler du Battle Royale, puisque c'est ce qui cartonne. Est-ce qu'à ton avis, c'est un succès qui va durer? Oui, non, si oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin, voilà. Bah, moi, je pense que ça va durer un petit peu. Mm-hmm. Et quand je rejoins un peu ce que disait Johan. Mais ça, combien? Ce sera pas éternel. Non, bah, après, on n'est pas là pour non plus faire notre Madame Irma et dire ça va durer exactement 3 ans. Mais je suis Madame Irma. Je suis réincarné. Non, en fait, le truc, c'est que déjà, il y a un effet de mode. Des jeux à la Battle Royale, à la PUBG, etc. C'est typiquement ce qui fonctionne depuis plusieurs mois, au moins. Ça fonctionne aussi parce que c'est un jeu qui est gratuit. Ça fonctionne aussi parce que c'est un jeu qui est peu gourmand. On peut le mettre sur pas mal de machines sans être trop embêté. C'est un jeu qui fonctionne aussi parce que c'est un jeu graphiquement peu violent. Donc, les plus jeunes y vont. Les parents vont pas dire non, c'est trop violent, ne va pas sur ce jeu. Donc c'est ce qui fait que ça génère une énorme communauté. Et moi, je pense que tant qu'il y aura cette communauté, il y aura ce jeu. Moi, je rajouterais même un autre élément, c'est que c'est tout simplement un jeu qui est très bien fait. C'est quelque chose que t'as pas dit, mais qui est important, c'est que le jeu, techniquement, est une réussite. C'est-à-dire que très facilement, tu vas le prendre en main, tu vas comprendre les mécanismes, etc. Qui se joue très bien de manière vraiment amateur, en mode un petit peu casu, c'est-à-dire tu vas faire ta partie, etc. Alors, tu vas peut-être un peu galérer, mais tu vas quand même t'amuser. Mais qui va se jouer aussi très bien à des niveaux qui sont très importants en mode e-sport. Oui. Et le dernier élément que t'as pas cité non plus, c'est que c'est un jeu qui se regarde très bien. C'est-à-dire que Fortnite, c'est un jeu qui est très streamé, qui est très diffusé en vidéo sur YouTube, etc. Et dont la scène, notamment e-sport, est vraiment importante. Aujourd'hui, et d'ailleurs Epic Games l'a compris, ils ont investi énormément d'argent dans la scène e-sport de Fortnite. Et ça, en fait, c'est un effet boule de neige. C'est que plus il y a de compétition, plus il y a de cash prize, plus c'est impressionnant, ça fait parler, on entend parler dans les médias, ça donne envie à d'autres personnes d'y jouer, etc. Et c'est un effet boule de neige. Et pour le moment, en tout cas en termes de chiffres, c'est ce que je disais tout à l'heure, on nous disait vers février, bon c'est bon, on est au summum de l'effet de mode et ça va retomber. On a quand même constaté que pendant l'été, ça a été un carton monumental. On est monté jusqu'à 78 millions de personnes connectées sur le mois d'août. Enfin, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Sur la scène du jeu vidéo, actuellement, il y a que Minecraft qui peut rivaliser avec ça. C'est le seul jeu. Il n'y a aucun autre jeu qui enregistre autant de connexions. C'est juste impossible. Et la dernière chose, c'est que là, ils viennent d'annoncer, il y a 2 jours, passer un cap qui est ultra important, c'est celui des 200 millions de joueurs. Alors, c'est 200 millions de joueurs actifs ou de comptes créés? Bah, ils l'ont pas dit? On n'a pas d'indication là-dessus. Ce qu'ils nous disaient, c'était qu'on était à 40 millions en janvier. Donc, depuis janvier, c'est quand même une augmentation de 400%. En gros, x5 depuis janvier. La violence. Et mine de rien, même si c'est 200 millions d'inscrits, là, ce que je disais, c'est qu'au mois d'août, il y a eu 78 millions de joueurs qui se sont connectés sur le jeu. Donc, ça veut dire que même si c'est 200 millions d'inscrits, dont une partie d'inactifs, c'est-à-dire qu'il y a au moins un joueur sur trois qui se connecte ponctuellement. Mm-hmm. C'est des chiffres qui sont astronomiques. C'est complètement fou. La stratégie a été très maligne, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par sortir le jeu sur PC, c'est arrivé sur PS4 et compagnie, c'est arrivé sur iPhone, puis sur Switch, maintenant sur Android, bref, c'est disponible sur toutes les plateformes. Oui. Et on arrive sur des chiffres qui sont astronomiques, c'est-à-dire que peu importe quelle est ta plateforme, aujourd'hui tu peux jouer à Fortnite. Et ce qui est fou, c'est que c'est un jeu donc gratuit, et t'as même un pack Switch Fortnite. C'est fou. Oui. Ce qui est rare pour un pack Nintendo, de mettre un jeu qui n'est pas japonais. Oui. Et qui n'est carrément pas Nintendo, c'est aussi assez rare. Hein. Oui, voilà. Ça a été un peu la guéguerre avec Sony. Oui. En plus, il y a eu toutes les questions sur le cross-platform, etc. C'est-à-dire la possibilité de jouer avec des personnes qui sont sur d'autres plateformes que la sienne. Et d'ailleurs, assez récemment, on a appris que Sony allait être un peu plus cool là-dessus. Et on sait que le phénomène Fortnite n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est parce que les joueurs demandaient de pouvoir jouer avec leurs potes qui sont sur Xbox ou sur PC que Sony a fait le choix de faire un pas en avant et dire on accepte du cross-platform. Parce que et les maintenant... utilisateurs de Switch râlaient, ils ne pouvaient pas se connecter avec leur compte. Ah oui, d'accord. Et parce qu'ils avaient déjà un compte chez Sony. Donc, et du coup, maintenant, tu peux jouer avec des joueurs d'une autre plateforme. C'est-à-dire que enfin, maintenant, ça fait même plusieurs mois. Mais moi qui suis sur PC, des fois, je fais des parties avec mon cousin qui est sur PS4 ou je peux faire une partie avec quelqu'un qui est sur son smartphone, etc. Et donc, on peut être amené à jouer avec des joueurs sur toute plateforme. Alors, par contre, quand tu es sur PC et que tu lances une partie en solo, tu vas être confronté à des joueurs PC. Par contre, si dans ton équipe, tu as du PC et du PS4, tu vas être sur des serveurs multiplateformes, avec des joueurs en multiplateforme. Et ça aussi, c'est super bien foutu. Mmh. À mon avis, donc là, je vais donner mon avis perso, c'est que effectivement, je ne pense pas que sur le long terme, le très long terme, Fortnite gardera une aura comme peut l'avoir aujourd'hui un League of Legends qui dure quand même depuis pas mal d'années, ou un World of Warcraft. Il n'empêche que c'est pas prêt de s'arrêter. On voit qu'il y a toujours un engouement qui est ultra important. Alors, effectivement, maintenant, quand on lance YouTube, il n'y a plus que du Fortnite comme il y a quelques mois. Mais ça, c'est le principe même d'un phénomène. C'est au moment où il explose, on ne voit que ça. C'était le cas il y a 2 ans avec Pokémon Go. Pokémon Go marche encore très très bien aujourd'hui. C'est juste que c'est pas l'explosion des débuts. Mais quand on voit que ça reste chaque jour le jeu numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming, notamment Twitch, on lance Twitch en jeu numéro 1 aujourd'hui, c'est premier Fortnite, deuxième League of Legends, et ensuite ça peut être du PUBG ou autre chose. Mais il n'empêche que ça fait des semaines et des mois que c'est le numéro 1. Et notamment, ils sont très forts, c'est sur les questions d'e-sport qu'on citait tout à l'heure. Avant l'été 2018, donc il y a 6 mois, Epic Games a annoncé injecter 100 millions de dollars sur la scène e-sport pour des cash prizes pour les joueurs, en gros, c'est-à-dire les récompenses quand ils gagnent des tournois, etc. Et en fait, ils arrivent à entretenir le truc avec des espèces de micro-compétitions tous les week-ends. Enfin, il se passe tout le temps quelque chose. Et en fait, on n'a pas le temps de laisser le phénomène s'évaporer parce que en injectant de l'argent, en organisant des tournois, des compétitions en ligne, ce qu'ils appellent leur skirmish, etc., en fait, il se passe tout le temps quelque chose et le phénomène n'a pas le temps de retomber. À mon avis, c'est pour ça que dans les semaines et mois à venir, ça va encore continuer. Mmh. Et il y a encore un public qui, aujourd'hui, n'a pas Fortnite et qui a envie de l'avoir, clairement. On va prendre un exemple tout bête. Ici, à la médiathèque, on a installé Fortnite sur 2 PC au 2e étage. Quand il y a 2 joueurs qui jouent, derrière, il y en a 15 quoi, qui sont en train de regarder et qui attendent leur place pour pouvoir jouer. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément équipés à la maison ou qui ont des restrictions de temps, etc. Mais ça reste aujourd'hui un jeu qui est une aura qui est complètement dingue. Là où ils sont très forts, c'est que toutes les semaines, il y a des nouveautés. Des nouvelles armes, des évolutions de la map. Bref, tout le temps des petites choses. Des nouveaux skins, donc ça donne envie. Ah bah tiens, c'est quoi le nouveau skin du jour? Est-ce que je vais l'acheter ou pas? Bref, le modèle semble pour le moment quasi inépuisable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah oui, tant qu'il y aura du renouveau en termes de contenu, ça va forcément maintenir tous les joueurs en ligne aussi. Ça fait partie du truc. Puis, de toute façon, Epic Games a tout intérêt de faire ces fameuses microtransactions sur du skin, etc., parce que ça marche bien. Oui. C'est ce qui permet de continuer à faire vivre le jeu. Là, je disais que le panier moyen par joueur... Ouais. Était en moyenne de 80 $. C'est-à-dire que chaque joueur a dépensé pour le moment en moyenne 80 $ dans le jeu. Ce qui représente plus que le prix d'un jeu vidéo normalement. Effectivement. Et ils sont trop forts. Parce que ils vont te vendre des systèmes de passe de combat. Si t'achètes le passe de combat, avec l'expérience, tu vas débloquer des skins, des pioches, des danses, des trucs dans le genre. Si tu n'achètes pas le passe de combat, tu débloques des petites choses, mais beaucoup moins que les autres, et tu vois ce que les autres peuvent débloquer, et tu vois ce que t'aurais débloqué si t'avais payé le pass de combat. Et tu peux acheter un pass de combat en cours de saison, et du coup, ça te débloque tout ce que t'aurais dû avoir avant. Ah oui, d'accord. Et en plus de ça, bah, t'as des nouveaux skins tout le temps. Alors, ils vont surfer sur les thématiques du moment. En Halloween, il y avait des trucs d'Halloween. Là, je suppose qu'au moment de Noël, il va y avoir des trucs de Noël. Plus, bah, au moment de la sortie du Mega Avengers, la thématique, c'était les super-héros. Donc, il y avait des skins un peu style super-héros, etc. Bref, il y en a pour tous les peu importe tes goûts, tu trouveras forcément un skin ou autre qui te plaira. C'est un peu ce qu'ils ont pu faire dans d'autres jeux, mm-hmm. World of Warcraft, GTA 5 Online par exemple. Bah, complètement. Ils surfent sur des moments clés, et la communauté étant là... Mais là où ils ont été trop forts, c'est que là, le jeu, il est gratuit. Ouais. Et finalement, moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. On va prendre mon exemple perso, mais on revient au mois de décembre de l'année dernière, et je m'étais dit, tiens, le jeu, il est cool, franchement. Par contre, je vais pas mettre de la thune pour des skins, quoi. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis à 70 heures de jeu, je me dis qu'il y a des jeux que je paye beaucoup plus cher que ça, pour lesquels je joue beaucoup moins. Donc, mettre 10 euros dans le jeu, c'est bon. Et finalement, je crois que maintenant, bon, après, sur un an, j'ai dû mettre 20 euros dans le jeu, donc ce qui n'est pas énorme, mais il n'empêche que je l'ai fait. Mais on prend mon exemple et on le multiplie par 200 millions de joueurs. C'est un truc de malade. De toute manière, ils annonçaient les bénéfices qui avaient été faits et on était sur des milliards de dollars. Quoi. C'est impressionnant. C'est, en chiffres, on est même peut-être au-dessus de ce qu'a généré un GTA V. Quoi. GTA V, le jour de sa sortie, je crois qu'il avait fait, il avait rapporté un milliard de dollars. Après, on sait qu'il a continué à se vendre, mais c'est le jour de la sortie qu'on encaisse le plus d'argent, en général. Oui. Et là, ça continue. C'est-à-dire que maintenant, en gros, alors le jeu continue à se vendre, hein, GTA V. Mais ceux qui voulaient GTA V ont GTA V. Et je pense pas qu'il y ait de transactions. Ah si, dans GTA Online. GTA Online. Ouais, donc en fait, c'est pas trop comparable. En fait, si on devait comparer le modèle économique de Fortnite, ce serait plus intéressant de le comparer avec les free-to-play mobiles. Style les Candy Crush, les trucs dans le genre. Où en fait, t'as ton jeu gratos et ensuite, tu fais des micro-transactions... Alors, ce qui est intéressant aussi dans Fortnite, c'est que c'est pas un pay to win, c'est-à-dire que c'est pas le fait de payer qui va faire que tu vas gagner. Finalement, c'est purement esthétique. Mais comme tu vois que tout le monde a, je pense qu'il y a un sentiment de frustration et tu dis, moi aussi, il me faut, etc. Et c'est vraiment, vraiment l'effet boule de neige. Ouais, c'est l'envie d'exister dans le jeu par des skins ou autres. Mm-hmm. Notamment pour les plus jeunes joueurs, en fait, qui cherchent à se distinguer aussi par ses biais. C'est ton personnage, comme ça, il a une identité, tu vois, t'es pas un personnage par défaut, etc. Ouais, t'es pas le mec no-name qui sert à rien, c'est sûr. Mais là-dessus, c'est assez intéressant. Alors, moi, pour le moment... Comme nous, les vêtements, finalement. Oui, complètement, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Game Spectrum. Non. C'est un mec passionnant sur YouTube qui fait des vidéos, c'est quasi des documentaires sur le monde du jeu vidéo. Il a fait des super vidéos qui sont vraiment qui nous apprennent beaucoup beaucoup de choses. Il a fait une super vidéo sur Fortnite où il nous explique le phénomène Fortnite, il le décortique. Au départ, il nous parle notamment du fait que il y a Griezmann, le joueur de foot, qui a marqué un but et qui après faisait une danse Fortnite. Pour expliquer à quel point c'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est récupéré par tout le monde. C'est-à-dire que même des joueurs de foot qui sont adulés par des millions et des millions de personnes, en fait, quand ils sont pas en train de jouer au foot, comme tout le monde, ils jouent à Fortnite. Et qu'en plus, ils l'exposent devant les gens. Et d'ailleurs, la danse, c'est pas la danse où on est tout droit et on passe les bras devant, les bras derrière. Alors, il y a ça, mais il y a pas que ça. Plein de gamins le faire, en fait. Oui, non, mais je sais pas d'où ça sort. En fait, à la base, c'est un jeune qui, c'était un jeune danseur qui était avec une pop star américaine style je sais plus si c'est Rihanna ou une dame comme ça, je sais plus non c'est là, j'ai lu aujourd'hui qu'ils allaient privatiser cette danse peut-être. Comment elle s'appelle, non, celle qui a chanté Wrecking Ball là, avec la boule de destruction. Oui, Miley Cyrus. Ouais, son vrai nom, c'est ça en fait. Son faux nom, c'est Adam Montana. Ah oui, c'est ça. Son nom c'est Disney. C'était un des danseurs de Miley Cyrus qui s'appelle genre le Backpack Boy, tu vois, parce qu'en fait, il a un sac à dos, il avait fait ça. C'est lui qui a inventé les danses. Je crois que c'est lui qui a inventé ça, a été récupéré dans Fortnite, et ensuite dans Fortnite, ils ont fait plein de danses. Et notamment, la danse qui avait été faite par le joueur de foot, la Griezmann, c'était tu fais un L au niveau de ton front qui veut dire loser et tu sautes avec tes jambes comme ça. Ah, les gamins font ça maintenant avec l'école. C'est dire à quel point c'est un phénomène. Ouais, mais ce gars-là a du talent pour créer ses danses, ses chorégraphies. Hein. Ça a du pense. Et du coup, il part de ce constat-là, il explique donc comment on en est arrivé au phénomène Fortnite. Il parle déjà du succès technique, du fait que à regarder, ça se regarde super bien. Ah oui. C'est vrai que sur la scène e-sport, moi jusque-là, notamment pour les jeux de tir, ça me passionnait pas trop de regarder de l'e-sport. Parce que voir des mecs tuer un gars, réapparaître, etc., je trouvais ça pas intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'enjeux. Alors qu'avec un mode Battle Royale, tu te dis qu'à tout moment, le mec il perd sa partie. Il va pas réapparaître, il va pas respawner et pouvoir réattaquer l'adversaire. C'est, il meurt, c'est fini pour lui. Il doit recommencer une nouvelle partie. Et donc à regarder, t'as plus de tension, etc. C'est donc t'es plus captivé. Tu vois le nombre de joueurs qui diminue petit à petit. Tu pars 200, 75, 50, 25, il en reste plus que 10. Et tu te dis, le mec, il tombe de sa plateforme, c'est fini. Il se prend un tir, ça peut se finir. Enfin, à tout moment, ça peut se finir. Et c'est ça qui fait que sur la scène e-sport, c'est un jeu qui marche bien, c'est que t'es capté sur le truc. Tu restes concentré, tu regardes. Ouais, ça tient en haleine. Et donc, il parle de tout ça. Et après, il explique aussi que c'est un jeu qui a été pensé pour qu'on y revienne. Et notamment, il parle de tous les aspects cognitifs, psychologiques, etc. Et il explique qu'en fait, que sur Fortnite, il y a des experts qui ont été recrutés en mécanique cognitive, en psychologie, pour faire en sorte que le jeu rende accro en quelque sorte. Et un de ces exemples, c'est un exemple qui est tout bête, qu'on peut mettre en parallèle avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un mécanisme qu'on va retrouver dans les casinos. Un casino, quand vous jouez à la roulette, vous activez quelque chose, ici un levier, vous avez un système rotatif qui s'active et une récompense aléatoire. Échec, réussite. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, quand vous actualisez votre fil d'actualité, vous activez quelque chose, effet rotatif, donc là c'est le temps de chargement, récompense aléatoire, soit des choses qui nous intéressent, soit des choses qui nous intéressent pas. On ne sait pas sur quoi on va tomber quand on actualise. Ouais, c'est vrai que ça se renouvelle, j'ai été étonné de ça. Et en fait, clairement, ça a été pensé par des mecs qui sont capables de comprendre le cerveau humain et qui rendent accro, en fait. On s'en rend même pas compte, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Et dans Fortnite, par exemple, on va voir la même chose, mais dans le jeu. C'est même pas des loot box, c'est dans le jeu, quand on est en train de jouer, quand on récupère des armes, dans la plupart des jeux, on va trouver des caisses de munitions, on va récupérer des armes par terre. Dans Fortnite, tu peux trouver des armes par terre, mais t'as aussi des coffres. Et t'as des coffres, tu vas les activer. T'as un mouvement de rotation à l'image, c'est un espèce de petit temps de chargement d'une seconde et demie. Récompense aléatoire, soit des armes légendaires, soit des armes communes, éventuellement des grenades, etc. Et en fait, on est exactement sur les mêmes mécanismes, et c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui, oui. C'est assez fou. Et en fait, après avoir regardé ce documentaire, j'étais là, mais waouh, les mecs sont trop forts, quoi. Les mecs sont trop trop forts. C'est ultra inquiétant, par contre. C'est-à-dire que clairement, c'est les manipulations. Le jeu est pensé pour te rendre accro, c'est complètement de la manipulation. Mais tout a été pensé. Et notamment, il y a aussi ce qu'on appelle des UX designers, ces user experience designers, qui font en sorte que, bah, la première fois que tu te connectes sur le jeu, ton expérience est agréable, tu comprends tout de suite, tu sais comment faire. Il a fait la comparaison avec une poignée de porte. Une poignée de porte, tu la vois, tu sais directement s'il faut la baisser, la tourner, etc. Et ben sur Fortnite, c'est la même chose. Normalement, l'idée, c'est que ta première expérience soit positive, comme ça, tu reviens vers le jeu. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choix que si ça te plaît pas, et ben tu te barres et tu joues à autre chose. Oui. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? C'est le fait qu'ils aient autant compris le comportement humain? Ben oui, c'est que finalement, moi, en tant que joueur, je me pose aujourd'hui la question, est-ce que j'y joue parce que j'aime le jeu ou parce que les mecs ont réussi à me rendre accro, en fait? À mon avis, il y a un petit peu des deux. C'est que, effectivement, moi, je trouve que c'est un jeu qui est incroyable. T'as des mises à jour tout le temps, t'as des systèmes de saison, donc tu vas y revenir parce que, bah, qu'est-ce qui va se passer? Quelle ville va disparaître? Quelle ville va apparaître? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Il y a tout le temps des nouveaux trucs. Il n'y a pas longtemps, pour se déplacer, ils ont rajouté des failles. En gros, tu rentres dedans, paf, t'es catapulté dans le ciel et tu peux réatterrir ailleurs. Enfin, il y a plein de choses. Mais par contre, je me dis, bah, je me suis fait avoir par leur truc. J'ai dépensé un peu de sous dedans alors que je m'étais dit que je le ferais pas. J'y reviens quasi quotidiennement. Est-ce que finalement, c'est quelque chose que je contrôle ou pas? Là-dessus, même moi, j'ai pas la réponse, en fait. On sait pas. On est incapable de comprendre ce qui se passe exactement dans notre cerveau, même si c'est le nôtre, quoi. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et le dernier truc qui m'inquiète, et ça, il en parle, c'est le fait que finalement, avant, quand on arrêtait de jouer à un jeu, c'est parce que on avait fini ce jeu, donc, voilà, on a fini l'histoire, on n'y revient plus forcément, etc. Là, Fortnite, vu le succès que c'est, on sait que demain, d'autres vont copier ce modèle. C'est obligatoire. À partir du moment où t'as une hyper... Fortnite a déjà copié PlayerUnknown's Battlegrounds. Alors, là, toi, tu parles du style de jeu, mais moi, je parle sur le modèle économique, etc. Et sur l'offre de jeu que ça représente. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait que demain, on va avoir d'autres jeux qui vont proposer aussi des systèmes de passes de combat. Voilà, vraiment exactement les mêmes mécanismes que dans Fortnite. Mais l'autre truc, c'est surtout que des jeux comme Fortnite, le jour où on va arrêter d'y jouer, c'est qu'on n'en pourra plus, on sera lassé, en fait. Et est-ce que c'est une démarche qui est aussi positive que de finir, je sais pas, un Zelda, t'es content, t'as fini tous les donjons, t'as battu le boss, tu dis, tain, trop bien, j'ai adoré ce jeu, c'est fini. C'est qu'il n'y a pas de fin. Mais alors que là, tu vas arrêter ton jeu parce que t'es dégoûté du truc, t'en peux plus, tu vois. Et on le voit déjà avec League of Legends. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui arrêtent League of Legends en disant, ce jeu me rend barjo, j'en peux plus, etc. Hearthstone, c'est pareil, c'est toujours le même concept, t'as un renouveau de cartes. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète. Et vu le succès que ça représente, est-ce que demain, on n'aura plus que des jeux comme ça, finalement, qui sont pensés comme des réseaux sociaux ? D'ailleurs, l'idée, c'est que tu reviennes tous les jours, que tu aies des microtransactions dessus, qui sont pensés pour que tu sois accro, pour que ta première expérience soit positive. C'est-à-dire que sur Instagram, la première fois, on va te proposer des comptes que tu vas aimer, on va te montrer des photos que t'aimes. Et qu'un jour, on va l'abandonner parce qu'on n'en peut plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Facebook. On se rend compte que y a moins de gens qui se connectent chaque mois à Facebook parce que les gens trouvent que c'est devenu naze, etc. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète déjà pour l'avenir de Fortnite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va devenir demain, mais plus largement sur l'avenir du jeu vidéo, est-ce qu'on va pas tendre vers des modèles comme ça. Pour moi, j'appelle ça du jeu jetable. C'est du jeu que, si c'est plus maintenu en ligne, n'existe plus. Donc, ça c'est clair. Tu veux jouer à Fortnite dans 10 ans, en admettant que ce soit fini le phénomène et puis les serveurs dans 5 ou 6 ans. Dans 10 ans, tu te dis, tiens, j'ai envie de réessayer Fortnite en mode, tu peux faire le mode. Oui, mais ça, c'est le principe un peu de n'importe quel jeu en ligne multijoueur. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Non, c'est juste. Mais c'est périssable. Et encore, le vrai passionné te répondra, non. Il y a des jeux qui sont plus en ligne et il y a des gens qui créent des serveurs où tu peux jouer. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des serveurs des premières versions de Dofus alors qu'elles sont plus en ligne parce qu'ils veulent continuer à jouer à Dofus sur la version 1. Machin. Idem pour Counter-Strike. Officiellement, on est passé à Counter-Strike Global Offensive. Et pourtant, il y a encore des mecs qui jouent aux vieilles versions 1.6 de Counter-Strike, etc. Sur Fortnite, ce sera certainement possible aussi. C'est dans le cas où le développeur autorise le fait de configurer des serveurs dédiés privés sur ces jeux. Dans ce cas-là, moi je dis, ok, c'est vitam aeternam, quoi. Je sais pas si sur Dofus c'est vraiment autorisé. Les mecs ont récupéré le machin, c'est ils possible. Hébergent ça de leur côté, ils ont leur propre serveur et voilà. C'est probable, j'en sais rien. Je crois que c'était le cas aussi avec World of Warcraft. Les mecs, ils voulaient jouer que à la première version de World of Warcraft, comme il y a justement 15 ans, et qui voulaient pas les nouvelles extensions. Ah oui. Mais effectivement, c'est une autre manière de percevoir le jeu vidéo, mais moi, ça m'interroge surtout sur l'avenir du marché, en fait. Est-ce que, en voyant tout ce qu'engendre ce jeu, est-ce que tous les autres vont pas se dire, on va faire pareil? C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec les petites figurines, ils ont vu que Skylanders a marché, ils ont voulu faire Disney Infinity et tout, jusqu'à ce que tout le monde soit gavé et que tout finisse à 2€ dans les bacs de solde. Et voilà. Ouais. Et je pense, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres jeux dans le style ou d'autres jeux avec le même concept. C'est certain. Mais au-delà du même concept, c'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que chez les éditeurs, on leur dira, les mecs, vous n'allez pas nous faire un jeu à histoire. Ça se vend moins bien. Vous allez nous faire un jeu qui va séduire les masses, sur lesquels les gens reviendront toujours. Et une fois que le truc ça sera passé, on aura autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, ils ont fait ça pour PlayerUnknown's Battleground. Ils ont vu que ce jeu explosait tous les succès sur Twitch. Ils se sont approprié le concept. Et encore, PUBG, c'est pas les premiers à avoir fait ça. Avant, c'était... Oui, il y en avait un autre. À chaque fois, je me gourre. H1Z1. Celui-là, oui, c'est vrai. Ouais. Là, vas-y, fais un truc zombie un peu. Donc voilà, ça a été le précurseur... Carrément. Mais là, on voit que dans le dernier Call of Duty, il y a aussi un mode Battle Royale, etc. Ah ouais. Ce qui risque de se passer, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on va être gavé par le truc. Ouais. Par contre, il faut reconnaître que on pensait, il y a un an, que ça allait être une mode passagère. Un an plus tard, ça reste un succès monumental. c'est quasi incomparable au cours des 10 dernières années quand même. À ce stade-là, c'est un truc qui pendant un an arrive autant à capter autant de joueurs, à rester sur le devant de la scène, etc. Il y a eu Overwatch, mais ça n'a pas été un... Ça a très très bien marché, ça marche encore très bien, mais ça n'a pas été aussi massif et imposant Bah, ils que ce inventaient Fortnite. rien, quoi. C'était Bah, c'était les Team Fortress 2, Doom-like, quoi. ouais, Team Fortress, Doom, Quake, les jeux de ce Parce type. que mine de rien, faut lui reconnaître quand même une originalité à Fortnite, c'est que ok, on est sur du Battle Royale, mais il y a des mécaniques qu'on retrouve dans aucun autre jeu, c'est-à-dire les mécaniques de construction dans le jeu, etc. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît en fait. Et on est sur quelque chose de dynamique. Il y a pas si longtemps que ça doit faire 4-5 mois, j'ai voulu essayer PUBG en me disant, bah, comme Fortnite, on n'arrête pas de me dire que ça a été pompé sur PUBG, je vais tester PUBG. Ah, t'as testé? Mais je me suis fait chier en fait. Ah, bon, ok. Mais peut-être parce que tu t'es fait avoir aussi. Non, le pire c'est que Non? ma première partie, je l'ai gagnée. Bon, je D'accord. pense qu'ils font exprès sur la première partie de te mettre avec des giganazes pour que tu gagnes. Ah, Mais en fait, c'est que... Non, mais si, pour te donner envie de ouais. revenir, tu vois. Mais La c'était carotte. chiant, il se passe rien en fait. Tu passes 10 minutes à traverser des environnements où t'as que de l'herbe et trois pauvres arbres. Ça te parle visiblement. C'était le truc d'avant, ouais. Toujours. Je suis resté sur Mais moi, les parties où ils sélectionnent des. Et il n'y a pas ce côté dynamique qu'à Fortnite, c'est-à-dire tu vas prendre la hauteur sur l'adversaire, tu vas essayer de prendre le dessus, Oui, tu c'est vas un autre vraiment gameplay. avoir des envolées carrément. Si le mec monte trop, tu vas le faire chuter. Enfin, vraiment, c'est dynamique. C'est un Jenga, en fait, le truc. PUBG, c'est à mi-chemin entre bah, justement un Fortnite dans le sens Battle Royale, mais c'est quasi infiltration dans le sens où tu vas te planquer dans ton buisson, attendre qu'un mec passe et tirer. Enfin. C'est un peu ça, mais moi, c'est comme ça que j'ai réussi à gagner à Fortnite. Oui, maintenant ça c'est quasi devenu impossible. Ah bon? En fait, le niveau moyen est devenu quand même très élevé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, t'es débutant, tu tombes sur une partie, tu peux très difficilement faire un top 1 sans entraînement. Tu peux arriver dans le top 10 en te planquant et en croisant personne, Et... mais même en te cachant dans un buisson et en tirant, le mec, il aura de la potion, il va rapidement mettre un mur entre vous deux, prendre la hauteur et te mettre un headshot, quoi. C'est aujourd'hui juste se planquer et mettre une balle, c'est devenu quasi impossible. Avant, oui. Mais d'un côté, tu regardes les parties des joueurs pros d'il y a un an, c'est en dessous du niveau d'un joueur moyen aujourd'hui. Parce que bah, depuis, on a compris, ah, bah, on peut faire ci, on peut faire ça, il y a des mecs qui font des tutos pour expliquer comment être plus performant, comment construire plus vite, comment optimiser tes touches, etc. Bref. C'est assez fou. Vous aviez des petites choses à rajouter sur... Pas vraiment, si ce n'est que c'est vrai que je m'étais rendu compte du phénomène de Fortnite, notamment sur YouTube. Ouais. Il suffit de regarder la page d'accueil par défaut de YouTube pour voir qu'en fait il y a des joueurs comme Gotaga, genre de choses, qui sont tout le temps en page d'accueil. Moi, en fait, Ouais. c'est aussi ce qui a contribué pour moi au fait d'être un peu dégoûté du jeu et pas avoir envie de creuser. Parce que je me dis, Ouais, ce côté parce que quasi trop. exubérant, dégoulinant, Ouais, c'est ça. il y en a partout, quoi. C'est ça, et du coup, bah moi, ça fait un effet inverse de ce qui pourrait être le cas pour Bah, moi. bon, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça cristallisait dans le sens où t'as les mecs qui vont adorer d'un côté et ceux qui détestent, parce que qui dit phénomène de masse dit forcément il y a des gens qui vont rejeter de Ah bah bloc la oui. chose, quoi. Moi, je rejette pas pour autant, mais Oui. j'ai eu une overdose d'informations qui ont fait que bah, finalement, je suis sorti Mais tu vois, par de la exemple, quand tu partie. parles de Gotaga, c'est super intéressant. Le mec, ça fait 10 ans qu'il fait de l'e-sport presque. Ouais. On le connaît dans le milieu de l'e-sport depuis longtemps. Il a fait du Call of Duty, il a fait d'autres jeux. Mais c'est Fortnite qui l'a fait exploser. C'est-à-dire qu'avant, il était connu. Maintenant, c'est une méga star. C'est-à-dire que tu vas dans un collège, tout le monde connaît Gotaga. Tout le monde. C'est incroyable. Aujourd'hui, il a X millions d'abonnés. Enfin, c'est. Et en fait, là aussi, quand c'est un phénomène boule de neige, parce que le phénomène Fortnite a permis à des bons joueurs d'émerger et devenir des superstars. Tu as les Solari, tu vois, tu as Jibs, Kingstar, tu as Tixi qui est chez d'autres, tu as les Vitality avec Gotaga, etc., qui ont pris beaucoup d'ampleur médiatique grâce à Fortnite. Et comme maintenant ils sont méga connus et qu'ils jouent à Fortnite, bah ça entretient le truc. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est Fortnite est connu, ça rend des gars connus. Ces gars connus jouent à Fortnite, donc ça offre encore plus de visibilité au jeu. Ah oui. Parce que comme ils sont connus, eh ben ils sont sur les tendances un petit peu partout. Ils sont toujours en première page. Tu lances Twitch, tu vois que les streams qui font le plus de vues, bah c'est des vues, c'est du Fortnite, etc. Bref, c'est un gros effet boule de neige. Là, pour le moment, moi, je pense pas que ça va se calmer tout de suite. Oh non. Par contre, sur le long terme, ça aura peut-être pas l'aura que peut avoir un Counter-Strike, parce que Counter-Strike, ça s'est jamais arrêté. Bah, vraiment, Legend, j'ai l'impression. Ouais, non, mais en compète, c'est un jeu qui se joue énormément, etc. Ça a été remodelé, d'ailleurs. Ouais, il y a eu pas mal de changements dans Counter-Strike. Après, on se trompe peut-être, hein. Si ça se trouve, tu vois, les mises à jour, etc., vont faire que dans 10 ans, il y aura peut-être encore... Ça me surprendrait, mais qui sait, hein, qui sait. On est souvent surpris par pas mal de choses. Overwatch, moi, je suis assez étonné. Hein. Je pensais que c'est un jeu qui allait cartonner pendant 1 ou 2 ans. Bah, je pense que ça va faire comme Heroes of the Storm. Ça va rester ni trop, ni trop peu. Ouais, ça va mais enfin, auprès du grand public, Overwatch est quand même plus connu qu'Heroes of the Storm. Overwatch, c'est quand même un gros, gros jeu qui est aussi pas mal joué en compète, etc. Et... qui est encore très joué aujourd'hui. Vous vous souvenez du concurrent d'Overwatch? Le fameux concurrent. Non, c'est un autre truc, Blood, je sais plus quoi là. Battleborn. Le jeu soldé à 1,99€ dans les magasins. Ouais. Par contre, on a accusé Paladin de plagier. Paladin, je l'ai pas. De plagier quoi? Il est pas mal, hein, de plagier Overwatch. Sachant que Overwatch a. Mais. Je joue à Overwatch depuis pas très longtemps. Ah, ça y est. Bienvenue. Rentrons dans les sujets. Mais je suis désolé, le jeu est cool, mais c'est Team Fortress 2. C'est oui, exactement la même chose. Mais exactement la même chose. T'as les mêmes rôles, t'as le mec qui balance ses grenades, t'as le mec avec son snipe, t'as le mec qui fait du soin. C'est le même jeu, quoi. Alors effectivement, avec quelques personnages en plus, des effets visuels qui sont plus sympas, des personnages qui ont une vraie identité, là où dans Team Fortress... c'est des mecs lambda, quoi. Mais c'est le même jeu. C'est incroyable, quoi. Donc, reprocher un jeu d'avoir pompé Overwatch, c'est un peu ironique à mon goût. Quoi. Ah oui, tu joues à Overwatch, du coup? Non. Je disais bienvenue dans le sens, bienvenue dans cette nouvelle spirale, quoi. En ligne. Après, j'ai pas fait beaucoup de parties. Mais les jeux de tir en ligne, finalement, je me rends compte, ça fait pas mal de temps que j'en fais. Hein. Quand j'étais au lycée, j'étais un gros, gros joueur de Counter-Strike. Hein. Ah oui. Source, notamment. Ah oui. Il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, je jouais pas mal à le jeu qui était racheté par Ubisoft, Shootmania. Ah oui, Shootmania, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, j'étais, un jeu pensé pour l'e-sport. J'étais classé européen et tout, hein. J'étais genre top 300 européen sur ce jeu. Enfin, d'un côté, vu le nombre de joueurs, c'était pas compliqué. Mais je suis quand même un peu surpris. Je pensais que ça aurait été un jeu qui aurait plus fonctionné à l'image de Trackmania. Il a marché à son lancement, mais c'est vite retombé, quoi. Dommage. Et l'autre jour, par nostalgie, j'ai voulu me connecter. Il y avait personne. Mais j'exagère pas. Je crois qu'il y avait une partie où il y avait 4 joueurs et sur les autres serveurs, il y avait personne. C'est d'ailleurs, je suis étonné qu'ils gardent des serveurs en ligne. On aura peut-être une annonce dans pas longtemps. Nous fermons les serveurs, merci, bonne journée. Je pensais que t'allais dire Shootmania 2. Il revient, il est pas content. Mais ouais, Fortnite vraiment à surveiller de près, parce que je pense que ça peut nous en apprendre pas mal aussi sur l'avenir du jeu vidéo. Bah, ça dessine un peu une tendance, quoi. Une tendance qui peut clairement s'inscrire dans la durée. Mais moi, j'invite ceux qui n'y ont jamais joué et qui pensent que le jeu est mauvais, quand même à le tester, puisque ça reste un jeu qui est sympathique. Alors oui, vous risquez de vous faire éclater la tronche sur votre première partie. Ah, je me sens pas visé parce que je pense pas que le jeu est mauvais. C'est juste que je suis... Ah non, mais je te vise pas du tout. Moi, au début, c'était la cata, les 3 premières parties, et après, je me suis dit, je vais me planquer, et ça a marché. Ouais. Et après, j'ai joué avec toi, et là, moi, c'était le changement de rythme, vous aviez plusieurs jours d'entraînement, et moi, j'étais un peu lent, donc... En fait, maintenant, clairement, il faut avoir un jeu, je dirais, un petit peu agressif, parce que ce qui fait la différence, c'est le fait que tu vas être bien stuffé, donc avoir des bonnes armes, etc. Le truc, c'est qu'en te planquant, alors effectivement, tu vas être dans les 5 ou 10 derniers, Sauf que tu vas avoir ton fusil à pompe gris et deux grenades, et tu vas te retrouver contre des mecs qui ont des bazookas, des snipers lourds qui peuvent te one-shot, etc. Ouais. C'est un peu délicat. Donc effectivement, avec ton arme, paf, tu vas les toucher, ils vont faire « Aïe, j'ai perdu 25 HP sur 200 », et eux, ils vont te mettre un gros coup de bazooka dans la tronche et t'es KO. Sachant que maintenant, même les joueurs moyens ont le réflexe. Tu leur tires dessus, paf, ils rajoutent un mur entre toi et lui pour se protéger, etc. Donc juste se planquer, c'est vraiment plus du tout la stratégie, mais ça, c'est carrément un autre débat. Est-ce que ce petit débat sur Fortnite vous a intéressé? Ouais, c'était chouette. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, ce que je peux vous proposer avant de se quitter, c'est de proposer aux éditeurs de voter pour le sujet du prochain débat. Là, on en a un petit peu discuté là avant de démarrer ce CFcast numéro 2. On vous propose de voter entre deux sujets. Le premier, c'est justement sur l'avenir du jeu vidéo. Est-ce qu'on tend vers du tout dématérialisé? C'est la question qu'on se pose. Donc, l'avenir du jeu vidéo sera-t-il tout dématérialisé? Donc, on pourrait en discuter. Et le deuxième, c'est vous proposer un AFcast un petit peu spécial qui ferait un retour sur tous les jeux marquants de l'année 2018. Ça a été une année qui a été assez riche, notamment les jeux dont on a beaucoup parlé. Il y a eu Spider-Man, il y a eu Red Dead, enfin il y en a eu quand même pas mal, quelques gros jeux. Et voilà, dire un petit peu ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qu'on retiendra de cette année et éventuellement ce qu'on attend de l'année 2019. Ok. Donc, sous l'AFcast numéro 2, vous retrouverez un petit sondage dans lequel vous pourrez voter soit pour l'option numéro 1, le débat sur le dématérialisé, et 2, retour sur l'année 2018. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour finir cet AFcast avant qu'on se quitte ou pas? Mot. Bon prochain AFK. Ben voilà. Donc on se dit à dans un mois. Donc l'AFcast, nous on l'enregistre le premier samedi de chaque mois. Et en attendant, jouez bien. Et on vous souhaite de jouer à pas mal de jeux au moment des fêtes. Bah merci Alexis. Salut. Merci, ciao ciao.